Beziehung ist our message. Understanding Christ's kingdom. Es geht weiter in unserer Botschaft, das Königreich von Jesus Christus verstehen. On va continuer notre avec, avec notre message de comprendre le royaume des cieux. And to understand his kingdom, it means you must learn how to live and walk in the spirit. Und um sein Königreich zu verstehen, müssen wir wissen, wie wir im Geist wandeln und leben. Et pour comprendre le royaume des cieux, on doit savoir comment vivre et agir dans l'esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5. Verse 25. Verse 25. Amen. Amen. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. The Lord wants us to learn how to walk in the Spirit. Der Herr will, dass wir lernen, wie wir im Geist wandeln. L'Éternel veut qu'on puisse agir en esprit. Amen. Amen. He wants us to know how to walk in the Spirit. Er veut, dass wir wissen, wie wir im Geist wandeln. Il veut qu'on sache comment agir et marcher dans l'esprit. To walk in the Spirit also means under grace. It means you are under grace. Im Geist zu wandeln bedeutet in der Gnade zu wandeln. De marcher dans l'esprit, ça veut dire qu'on est sous la grâce. Amen. Amen. That you are not under law, but under grace. Dass du nicht im Gesetz wandelst, sondern in der Gnade. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la loi, mais dans la grâce. If you are conscious of your age, wenn dein Alter dir immer bewusst ist. Si tu es conscient de ton âge. Conscious of the time, your beauty, your desire. Wenn dein Alter, dein Aussehen, deine Wünsche, deine Zeit, die immer wieder bewusst ist. Si tu es conscient du temps, de ta beauté et de toutes ces choses. What you have and not have. Was du hast und was du nicht hast. Si tu es conscient de ce que tu es, ce que tu n'as pas. What makes you qualify or not. Was dich qualifiziert und was nicht. Ce qui te qualifie ou pas. Amen. Amen. Comparing others to yourself. Dich mit or yourself to vergleich. Others. What they have and what you have. Was du hast und was sie haben. Ou alors si tu te compares à d'autres personnes ou alors leurs biens à tes biens. Imagine their age. Look at what they have achieved. Du denkst über ihr Alter. That is always you are conscious of it. Und was diese Menschen you are the flesh. Wenn dir das immer wieder bewusst ist, bist du im Fleisch. Si tu compares les choses qu'ils ont accomplies et qu'ils ont peut-être le même âge ou alors tu dis que ou alors une personne qui est même plus jeune que toi a accompli plus de choses charnelles, là ça te montre que toi-même t'es dans la loi et t'es dans la chair. It means you are carnal. Dann bist du fleischlich. Ça veut dire que t'es charnel. Are you getting it? If you are conscious of age, time. Wenn dir das dein Alter, deine Zeit immer wieder bewusst ist, bist du fleischlich. Donc si tu penses à chaque fois à ton âge, à tes biens. Praise the Lord. Amen. If we go to Romans 8. Romains 8. Romains 8. It said to be carnally minded is dead. Fleischgesinnt zu sein ist tot. Que si on a des Romans 8. Si on est charnel, on est mort. Praise the Lord. Romans 8 from verse. Let me see. Let us just read it from verse 1. He said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. It's interesting. Amen. Amen. Amen. Amen. It is only when you are in the spirit that you are unshakable. Nur im Geist bist du unantastbar. C'est seulement que quand tu es dans l'esprit que tu es untouchable. 8. 1. If you are in the flesh, you will see what you do and you will condemn yourself. Wenn du im Fleisch bist, wirst du auf das schauen, was du tust und das wird dich verurteilen. Parce que si tu es dans la chair, tu vas regarder sur tes œuvres, sur tes actions et tu vas te juger, tu vas te condamner. If you are in the spirit, you see what Christ did for you. Wenn du im Geist bist, siehst du auf das, was Christus getan hat. Then there is no condemnation. Es gibt keine Vorteile. Because it's not about you, it's about him. Es geht nicht um dich, sondern um ihn. Mais si tu es dans l'esprit, tu vas seulement voir ce que le Christ, ce que notre Seigneur a fait pour toi. Et là, il n'y aura pas de jugement ou de condamnation. He said, for the laws, verse 2, for the law of the spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to be free, how to be free is allow your focus to be Christ, the finished work of Christ. Indem unser Fokus auf Christus liegt, auf dem fertigen Werk von Christus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et ça, c'est seulement possible quand on est dans l'esprit, quand on vit dans l'esprit, quand on est concentré sur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on a notre liberté. Amen. Amen. Take your eyes away from your age. Nimm deine Augen weg von deinem Alter, von der Zeit. Mm. Donc, écarte ton regard du temps ou alors de ton âge. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, so many times I just love to use myself as an example. Oft nehme ich mich gerne als Beispiel. J'aime bien prendre moi-même comme exemple. Amen. Amen. You know, throughout the week I was always telling the children that I did not know how old I was when I got married to Papa. Ich habe letzte Woche mit den Kindern öfters erzählt, dass als ich geheiratet habe, wusste ich gar nicht, wie alt ich bin. Ces derniers jours, je parlais avec les enfants qui habitent ici et j'aurais dit que, par exemple, moi, je savais pas quel âge j'avais quand je me suis mariée. I did not know that it was time for me to marry, that I'm old enough, the age. I did not even know. And that's why when we met, he asked me how old I was. I have to think and think and think. I did not even know. Because, you know, people are brought up in different ways. Und deswegen, als ich dann meinen Ehemann kennengelernt habe und er mich das erste Mal halt gefragt hat, wie alt ich bin, konnte ich schon nicht mehr richtig antworten, weil ich mir das gar nicht so bewusst war, wie alt ich bin, wie alt ich nicht bin. Ich wusste gar nicht, dass es an der Zeit ist, zu heiraten für mein Alter, für andere Leute vielleicht. Und jeder ist halt anders aufgewachsen. C'est ça. Par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, mon futur mari à ce moment-là, quand il m'a demandé mon âge, je ne pouvais même pas lui donner une réponse parce que les gens sont élevés de différentes manières, de différentes façons. Amen. Amen. You know, in my father's house, my natural father's house, amen, we never celebrate anything birthday. My father was the only one that celebrated birthday. And that birthday, we are not celebrating. For us, the children, it was about we are going to eat food. There was going to be plenty of food on that day. It's not about any birthday. We don't even ask how old you are. And my father never tell us how old he was. Im Haus meines Vaters haben wir keine Geburtstage gefeiert damals. Und der Einzige, der seinen Geburtstag gefeiert hat, war mein Vater. Und selbst das Alter von meinem Vater wussten wir nicht, weil es hat uns auch nicht interessiert. Uns war nur wichtig, wann es ist, damit wir nämlich wissen, wann es wieder so viel zu essen gibt. Wann es wieder Essen im Überfluss gibt, weil dieser Geburtstag immer sehr groß gefeiert wurde. Und es hat auch niemand nach seinem Alter gefragt, weil es auch niemand interessiert hat. Par exemple, dans la maison où j'ai grandi, on fêtait seulement l'anniversaire de mon père et on savait même pas quel âge il avait. Pour nous, c'était seulement l'essentiel qu'on savait que dans ce jour-là, on aura beaucoup à manger, il y aura beaucoup de plats qui seront servis. Mais à part ça, on n'était pas conscient de nos âges ou quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas d'importance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But we got there later. Amen. If you are in the flesh, you will consider what Satan wants you to consider. Wenn du im Fleisch bist, wirst du auf das schauen, was der Satan will, was du siehst. Si tu es dans la chair, tu vas te concentrer sur les choses que le diable veut que tu concentres. The Bible says we should only consider Jesus Christ. Aber die Bibel sagt, wir sollen nur Christus erachten. Mais la Bible nous dit qu'on doit seulement considérer Jésus-Christ. In everything, think of Christ Jesus. In alles. In everything. Sollen wir an Christus denken. En tout, on doit penser à Jésus-Christ. Be conscious of Him. Wir sollen uns Christus bewusst sein. On doit être conscient de Jésus-Christ en nous. He was conscious of His Father. Er war sich seines Vaters bewusst. Mm-hmm. Tout comme Jésus-Christ était toujours à chaque moment conscient de Dieu le Père. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Hebrew 12. Let's go to Hebrew 12. Hebräer 12. Hebrew 12. Hebrew 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 1 to 3. Hebrews 12, 1 to 3. He said, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Are you getting it? Mm-hmm. To be patient. Don't be hasty. Geduldig sein, nicht in Eile sein. Amen. Mm-hmm. It means don't be conscious of time. Don't be conscious of age. Sei dir nicht zeitbewusst. Sei nicht deines Alters bewusst. On doit être persévérant. On doit être patient. Donc on doit, si t'es patient, donc tu fais pas attention au temps. The Lord knows your age more than you know your age. Der Herr kennt dein Alter besser als du. Le Seigneur connaît ton âge même mieux que toi-même. He knows the time more than you know the time. More than you. Il est conscient du temps beaucoup plus que nous on l'est. Amen. You know people will go to you know I'm now 35 years, I have 40 years, no husband, no this, no money. Look, no, this ministry I've been 10 years, 20 years. Oh, do you know how many people are there? Look at other ministries. He knows this ministry more than me and you. Heute sagen sie sind, because he is here. Sie sind 30, 35 oder 40 und beschweren sich, weshalb sie immer noch nicht verheiratet sind und immer noch nicht einen Job haben. Oder Leute beschweren sich, weshalb ihre Gemeinde immer noch so klein ist, immer noch nicht groß und weltbekannt ist. Aber der Herr kennt die Zeit. Il y a des gens qui vont commencer à penser à leur âge, à leur richesse. Ils vont se dire, oh, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans. 50 ans, j'ai toujours, je ne suis toujours pas marié, j'ai toujours pas d'enfant. Ou alors d'autres pasteurs vont se dire, ouais, ça fait 20 ans que notre ministère existe, cette église est toujours petite. Mais tout ça, Dieu le sait, Dieu est conscient du temps. You know, verse 2 here is telling us how to run with patience. In verse 2 steht, wie wir in Geduld rennen. You see that? Dans le verset 2 nous montre comment être persévérant et patient en cours de route. How to run the race with patience. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. To keep on looking on Him. That is how the Holy Spirit can be there to help you. Indem wir weiterhin auf Jesus Christus schauen, so kann uns der Heilige Geist helfen. Donc on doit garder notre regard sur Jésus-Christ, le consommateur de la foi, le chef et le consommateur de la foi. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est capable à nous aider à courir cette course jusqu'à la fin. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. Praise the Lord. Hallelujah. He was never ashamed. Er hat sich niemals geschämt. Don't be ashamed of him. Jésus-Christ n'a jamais eu honte. C'est comme ça qu'on doit être, on n'a jamais avoir honte. Amen. Amen. He was never ashamed of his father. Er hat sich nie für seinen Vater geschämt. Il n'a jamais eu honte de son père. Are you getting it? Despising the shame. And he sat down at the right hand of the throne of God. Here the Bible helps us to know how to run the race. Bibel hilft uns zu erkennen, wie wir dieses Rennen erfolgreich rennen. Là, ici la Bible nous montre comment courir la course, comment rester sur le chemin jusqu'à la fin. How to start the race? How to continue the race and how to end the race with Christ? Wie mit dem Rennen anfangen, weitermachen und es beenden in Christus. Comment commencer la course, comment la courir et comment la finir avec Jésus-Christ? Amen. Amen. He said looking unto Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then in verse 3 it says, for consider he. Consider he. Ihn erachten. On doit le considérer. Praise the Lord. You should consider him. Wir sollen ihn erachten. On doit considérer Jésus-Christ. It's not top, it's not people that should consider him for you. You consider him. Wir sollen auf ihn achten. Niemand kann für dich auf Jesus achten. Et c'est à chacun d'entre nous à considérer Jésus-Christ. Personne peut considérer Jésus-Christ à ta place. Personne peut considérer pour toi. Salvation is personal. Errettung ist persönlich. Parce que le salut est personnel. No one can have relationship with Christ for you. Niemand kann Beziehung mit Christus für dich haben. Personne peut avoir une relation avec le Christ pour toi. Everywhere in the Bible says you choose Jesus Christ. Überall in der Bibel lesen wir, dass wir uns für Jesus Christus entscheiden müssen. Partout dans la Bible, on peut voir que c'est nous qui devons choisir Jésus Christ. Look at verse 3. He said, for consider he that endures such contradiction of sin. Of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your mind. Your mind. You will be tired if you will not see him. Du wirst müde continue werden, to wenn see du auf Jesus schaust. Tu seras fatigué si tu ou découragé même si tu arrêtes de voir Jésus-Christ, d'avoir ton regard sur Jésus-Christ. Allow him to carry that load. Lass zu, dass er diese Last trägt. Permet qu'il puisse porter ce fardeau pour toi. Remember, he said, come unto me, all you that labor, I will give you rest. Er sagt, kommt her zu mir, all ihr mühselig beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Rappelez-vous qu'il a dit, venez vers moi, tous ceux qui, vous qui êtes plein de charges. That load is too heavy for you to carry. Diese Last ist zu schwer für dich. You cannot shove it. Du schaffst das nicht. Cette charge est beaucoup plus trop grande, trop lourde pour toi. Tu peux pas la porter. Amen. La supporter. Again, here the Bible helps us to know how to run the race. Bible hilft uns zu erklären, wie wir dieses Rennen. La Bible nous aide à comprendre comment courir cette course. How to live and walk in the Spirit. Wie wir leben und wandeln im Geist. Comment on vit et on marche dans l'esprit. Jesus considered his father. Jesus hat seinen Vater erachtet. Only his father he considered. Jésus-Christ a considéré seulement son père, personne d'autre. He never considered anything outside his father. Er hat niemals etwas erachtet außerhalb seines Vaters. Il a jamais considéré quelque chose en dehors de Dieu le Père. Remember, as his father sent him, so also he sent us. So, wie sein Vater so that we are able to, we should consider him. So wie sein Vater that Christ Jesus. Gesandt hat, so sendet er uns. Rappelez-vous que comme Jésus-Christ a été envoyé par son Père, lui nous a envoyé. C'est pour ça qu'on doit considérer Jésus-Christ comme Jésus-Christ a considéré Dieu le Père. Amen. In John 8:29, he said, I do always those things that please my Father. In Johannes sagt, see. Ich tue ständig das, was meinem Vater gefällt. Amen. Dans Jean, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il fait toujours la volonté de son Père. And that should be you and me. Und das sollte doing always sein. Those things that please Christ. Ich ständig die Dinge tun, die dem Herrn gefallen. Et la même chose doit être valable pour nous aussi. Est-ce qu'on fait toujours ce qui est dans la volonté du Christ, ce qui plaît au Christ? And what pleases Christ? What pleases him is you believe in Christus. You believe on his finished work. Was ihm gefällt, dass wir an sein fertiges Werk glauben. Mais qu'est-ce qui plaît au Christ? La chose qui plaît notre Seigneur, c'est que quand on on croit en lui, on a la foi en lui et on croit à ce qu'il a accompli sur la croix. Consider only what heaven consider. Et achte nous das, was der Himmel erachtet. On va seulement considérer ce que l'Éternel considère. Praise the Lord. Amen. Amen. Learn to consider what heaven consider. Lerne das zu erachten, was der Himmel erachtet. Apprends à considérer ce que l'Éternel considère. Take your eyes away from yourself. Nimm deine Augen weg von dir selbst. Ne regarde plus sur toi-même. Because it's never about you and it will never be about you. Es geht nie um dich und es wird auch niemals um dich gehen. Parce que il ne s'agit jamais de toi et ça sera jamais le cas non plus. Allow it to be about Christ alone. Lass zu, dass es um Christus allein geht. Donc on doit permettre qu'il s'agisse seulement de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Again, consider only what heaven considers. Erachte nur das, was der Himmel erachtet. Encore une fois, considère seulement ce que l'Éternel considère. Heaven only considers Christ. Der Himmel erachtet nur Christus. L'Éternel considère seulement. Is somebody getting it? Amen. Amen. Heaven never see the flesh, but the spirit. Der Himmel sieht niemals das Fleisch, sondern nur den Geist. L'Éternel ne voit jamais la chair, mais seulement l'esprit. Amen. Amen. And this also means what your mind is full of. Das ist auch das, wovon deine Gedanken voll sind. And this also means. Wovon deine Gedanken voll sind. Et ça veut dire aussi, l'Éternel considère seulement ce qui est dans tes pensées. Amen. Amen. What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? Du musst deine Gedanken prüfen. Mm. Donc tu dois examiner tes pensées, tu dois juger de ta mentalité. Amen. Amen. Prove your mind. Prüfe deine Gedanken. Examine tes pensées. Hebrews 11:15 said Abraham's mind was not full of the past. Hebräer 11:15 was not full of the flesh. Steht das Abrahams Gedanken nicht voll waren von der Vergangenheit. Dans l'hébreu, il est écrit que les pensées d'Abraham n'étaient pas remplies de son passé. His mind was not full of what people are going to say about him. Seine Gedanken waren nicht voll von dem, was Menschen über ihn sagen. How they were going to laugh at him. Wie sie ihn auslachen werden. Ses pensées n'étaient pas remplies de ce que les gens vont penser de lui ou aussi les gens vont se moquer de lui. Are you getting it? What the family is going to say? Was die Familie sagen wird. Ce que la famille va dire. You know when God said leave your father's land. You know he could have said what would the family say? Als Gott zu Abraham gesagt hat, verlass dein Vaterland, hätte er auch sagen können, was werden denn bitte meine Familie sagen dazu? Quand Dieu a dit à Abraham quitte la terre de tes parents, il aurait pu aussi poser la question qu'est-ce que ma famille va dire? Amen. Amen. He never considered what the flesh will say. Er hat niemals erachtet, was das Fleisch sagen wird dazu. Mais n'a jamais considéré ce que la chair va dire. Amen. Amen. He never considered the system of the world. Er hat niemals das System dieser Welt erachtet. Pour lui, le système de ce monde n'était pas valable. Il n'a jamais considéré le système de ce monde. We just read that he said, consider him, consider Christ alone. Erachte Christus allein. Donc on va considérer Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ, rien d'autre. That's how to live and walk in the Spirit. So leben und wandeln wir im Geist. Et c'est comme ça qu'on vit et on agit en esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How to live and walk in the Spirit is not even by prayer. Wir leben und wandeln im Geist nicht durch Gebet. On n'est pas dans l'esprit seulement à travers la prière. Religious people even pray more than you. Religiöse Leute beten sogar mehr als du. Parce que il y a des gens religieux qui prient même plus que toi. Amen. Jesus said they love to pray. Jesus sagt, sie lieben es zu beten. Jésus-Christ lui-même a dit qu'ils adorent prier. Ils aiment vraiment prier. Are you getting it? He said, but you don't pray like them. Aber er sagt, wir beten nicht zu ihnen. Mais il dit que toi, tu pries pas comme eux. Are you getting it? Praise the Lord. He said, they love to pray. Sie lieben es zu beten. Ils aiment prier. Amen. How to live and walk in the spirit is not by prayer. Wie wir im Geist leben und wandeln ist nicht durch Gebet. Encore une fois, on vit et on n'agit pas en esprit à travers la prière. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to help you in your action. Lass uns der Heilige Geist dir hilft in deinen Handlungen. Permet que le Saint-Esprit peut t'aider dans tes actions. You don't, you know. Praise the Lord. Hallelujah. Everything of the kingdom of heaven, they are different. Alles im Königreich Gottes ist anders. Tout dans le royaume des cieux est différent. Everything, everything. Alles. Vraiment tout. They are different. C'est anders. Tout est différent. Amen. You know, religion, they are similar. Religionen sind ähnlich. Muslim, the Christian, you can see that they are similar. They have belief and their action. Ils glauben et handeln, c'est ähnlich. Mais tu peux voir que dans la religion, enfin dans les religions, que tout est tout se ressemble, leur foi, leurs actions, It's only Christ that is different. Christus is only Christ. Mais c'est seulement Jésus Christ qui est différent. If you see our religion, it's honor your father and your mother. Only Christ is honor Christ. Geht's darum, Menschen zu ehren, Eltern zu ehren. Aber bei Jesus Christus in seinem Königreich geht es darum, ihn zu ehren, ihn allein zu ehren. Tu peux voir dans les religions, il s'agit par exemple d'honorer ses parents, mais seulement Jésus-Christ dit honorer. Amen. Honorer moi. Praise the Lord. Hallelujah. Everything they believe, they act on, you know, they are similar. Alles, look at them. Was sie glauben und wonach sie handeln, ist ähnlich. Donc tout se ressemble, ceux qui croient, ceux qui font, tout est comparable. You know, if you look at the biggest, let me say, the biggest religion in the world, the Muslim, the Judaism, that's Jew, then the Islam, Judaism, and Christianity, they all claim Abraham as their father. Wenn wir uns die drei Weltreligionen anschauen, den Islam, das Judentum und das Christentum, sie alle bezeugen, dass Abraham ihr Vater ist. Si tu compares les trois plus grandes religions de ce monde, donc les juifs, les musulmans et les chrétiens, eux tous disent que leur père est qui sont les descendants d'Abraham. Remember what Jesus told them, those that claim Abraham as their father. He's called your father the devil in John 8. Aber erinnert euch das, was Jesus sagt über die Leute, die meinen Abraham als ihren Vater zu haben. Er hat gesagt, dass ihr Vater der Satan ist. Mais rappelle-toi de ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 8, quand il parlait à ceux qui disaient qu'ils sont des descendants d'Abraham. Ils ont appelé leur... Jésus-Christ a appelé leur père le diable. Praise the Lord. Hallelujah. You don't pray and act differently. Wir beten nicht und handeln dann anders. On prie pas et on n'agit pas selon notre prière. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Again, you don't pray like religious people. Du betest nicht wie religiöse Menschen. On prie pas comme les gens religieux. They pray like servants. Sie beten so wie Knechte. Eux, ils prient comme des servants, comme ouais. Comme les serviteurs. Praise the Lord. Hallelujah. They pray, you know, their prayer is always the prayer of a servant. Sie beten immer wie Knechte. La prière est toujours la prière d'un servant. Amen. We pray like sons. Sie beten wie Söhne. Mais nous, on prie comme des fils. You know, if a son and a father, and if a son and a servant are asking for something from somebody, you know, a son, you know, look at your place of work, for example. You know your chef or your boss. You know their sons. You can see there's no. You can see that there's no fear between. You know what is before the father. But you know you as a worker, And that is why to be a worker in Christ's world, you are not a worker, you are a son. Und wir können uns das gut vorstellen, mit, wenn wir uns auf der Arbeit an unseren Vorgesetzten denken und deren Kinder, wie deren Kinder, wenn sie Kinder haben, mit ihnen umgehen und wie ihr als normale Mitarbeiter mit euren Vorgesetzten umgeht. Da ist eine Distanz, da ist eine Distanz zwischen euch, die dafür sorgt, dass ihr halt nicht einfach so wie ihr möchtet, einfach mit ihm reden könnt. Aber die Kinder dieses Vorgesetzten, die setzen sich auf den Tisch, die lachen, die reden mit ihm einfach ganz locker, weil sie einfach wissen, dass sie die Söhne dieser Menschen, Kinder dieser Menschen sind und nicht einfach nur Angestellte dieser Menschen sind. Und wir müssen wissen, dass wir nicht Angestellte des Herrn sind, sondern Söhne des Herrn. Amen. Si par exemple, je donne un exemple avec si vous avez si vos supérieurs au travail ont des enfants et vous avez la possibilité de voir leur relation avec leurs enfants, elle n'est pas comparable avec la relation que vous avez avec votre chef, par exemple. Les enfants vont venir, ils seront à l'aise, ils vont parler d'une manière ouverte avec leurs parents. Et c'est la même chose avec nous et avec notre Père qui est Jésus-Christ. On doit être conscient qu'on ne travaille pas pour Jésus, qu'on ne travaille pas pour lui, mais qu'on est des enfants. Et c'est notre relation. Praise the Lord. Hallelujah. Our relationship with Christ should never be that of a servant and a master relationship. Unsere Beziehung mit Christus never be einer Sohn und Knecht, einer Vater und Knecht Beziehung sein. Notre relation avec Jésus-Christ ne doit jamais être une relation telle du maître et du servant et d'un servant, pardon. And it should never be based on fear. Und sie sollte niemals auf Angst basieren. Mm-hmm. Elle doit jamais être, ça doit jamais être une relation de peur qui est basée sur la peur. Amen. Amen. Sons never beg. Söhne betteln nicht. Un enfant, un fils n'est pas un mendiant. Servant always beg. Aber Diener, die betteln immer. Mais un servant doit supplier, doit mendier. Amen. Amen. You know, if you look at Jesus Christ and his disciples. Wenn wir uns Jesus und die Jünger anschauen. Si on regarde Jésus-Christ et ses disciples. They all have different relationship. The disciples, they have different relationship with Jesus Christ when he was here, physically. Mit Jesus Christus, als physisch hier war. Quand il était physiquement sur terre, ils avaient tous des relations différentes avec Jésus Christ. Amen. Amen. If you look at, you know, Peter and others, then John. You know, sometimes John is present. Jesus Christ is present. Other disciples, they are all present. Peter will tell John to ask Jesus Christ something. But Jesus Christ is there, right there, in their midst. Peter will tell John to ask Jesus Christ something instead of Peter to ask Jesus Christ himself. I hope you understand what I'm saying. Because, you know, John always believed that Jesus loved him personally. Johannes hat immer geglaubt, dass Jesus ihn persönlich wirklich liebt. Und weil das anscheinend alle wussten, dass er eine sehr enge Beziehung hat zu Jesus, hat Petrus beispielsweise immer, wenn er Jesus um etwas bitten wollte, immer Johannes vorgeschickt und gesagt, kannst du Jesus bitte das und jenes fragen für mich? Quand Jésus-Christ était entouré de ses disciples, Pierre, même si Jésus-Christ était en face de Pierre, il y avait certaines choses qu'il allait dire à Jean afin que Jean puisse poser cette question à Jésus-Christ. Parce que Jean était toujours conscient de l'amour de Jésus-Christ envers lui. Et ça, c'est quelque chose qu'aussi les autres disciples ont remarqué. You know, if you look at John, every time John sit down with Jesus, he will rest on him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He always rests on him. He always, you know, put his head on his shoulder. You know, he said, anytime he won his right, he said, John, whom Jesus Christ loved. He loved everybody. But he just see it as personal. Und wir sehen das auch, dass Johannes sich immer an Jesus gelehnt hat und er auch immer geschrieben hat, Johannes, der von Jesus geliebt wird. Und er hat es immer wieder geschrieben, und weil er das persönlich genommen hat. Er hat diese Liebe von Christus persönlich genommen und daran geglaubt und ist auch deswegen so geschrieben und deswegen auch so gesehen. On peut aussi voir que Jean, par exemple, il posait souvent sa tête sur l'épaule de Jésus-Christ. Et quand il écrivait des lettres, il écrivait toujours à Jean qui est aimé par Jésus-Christ. Parce que lui, il a été conscient de l'amour de Jésus-Christ envers sa personne. Mais or que Jésus-Christ, il aimait tout le monde. Praise the Lord. Believe he loves you. Glaube, dass er dich liebt. Donc tu dois vraiment croire que ton Amen. Believe he loves you. Don't believe. No, don't see him loving others more than you. Denk nicht, dass dass er andere Leute mehr liebt als du. Amen. Ne crois pas qu'il aime d'autres personnes plus que toi. That they are hearing your voice, his voice more than you are hearing his voice. That they are having it or whatever. That does not mean he loves them more than you. Weil sie seine Stimme hören oder weil sie Dinge haben, die du haben möchtest, sonstiges, vergleiche dich mit anderen Menschen, glaube, dass Jesus dich liebt. Ne crois pas que d'autres personnes, que Dieu, que Jésus-Christ parle plus à d'autres personnes qu'à toi, ou alors qu'il préfère d'autres personnes à toi, parce que c'est pas le cas. Praise the Lord. Amen. If you look at John, he never see one, you know. He did not see what the relationship with Jesus and others, but with him and Jesus. You know, Jesus told Peter, "I prayed for you." You understand me? Satan is trying to destroy you, but I prayed for you. Mm-hmm. He did not tell John that, but John still believed he loved him. Mm-hmm. Jesus hat zu Petrus gesagt, dass ich habe für dich. Der Satan ist hinter dir her, aber ich habe für dich gebetet. Und er hat mit Petrus gesprochen, hat mit ihm kommuniziert, aber dennoch war Johannes deswegen nicht eifersüchtig. Er hat dennoch geglaubt, dass Jesus ihn dennoch ganz besonders liebt und hat sich davon nicht abbringen lassen, weil er gesehen hat, dass Jesus auch mit anderen Leuten Beziehung hat. Jésus-Christ a dit à Pierre, par exemple, j'ai vu que le diable est après toi, et c'est pour ça que j'ai prié pour toi. Jean le savait aussi, mais il s'est pas dit que oh, pourquoi il prie seulement pour Pierre et pas pour moi. Donc Jean s'est seulement toujours concentré sur sa propre relation avec Jésus-Christ et l'amour que Jésus-Christ avait envers lui, sans se comparer à d'autres personnes. You know, we tell people that Jesus loved them. Do you believe he loves you? Wir sagen Leuten immer, dass Jesus sie liebt. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? On dit souvent à d'autres personnes que Jésus-Christ t'aime. Mais est-ce que toi-même, tu es conscient de cet amour envers toi-même? You have to tell yourself he loves you. Du musst dir selbst sagen, dass dich liebt. Tu dois te dire à toi-même que Jésus-Christ t'aime. And you have to say to people that he loves you. Und du musst es anderen sagen, dass dich liebt. Tu dois aussi le dire à d'autres personnes que tu sais are que Jésus-Christ t'aime. Like Hebrew 11, Enoch believed he pleased God, and he did not even keep it to himself. Enoch, he started giving it as a testimony. I please him, I please my father, I please God. So also you have to tell, you know, don't keep it to yourself. He loved me. Amen. My father loved me. Behalte das nicht für dich, glaube, dass er dich liebt und sag zu anderen, dass Jesus dich liebt, genauso wie Enoch geglaubt hat, dass Gott ihn liebt und er es auch als Zeugnis immer wieder gesagt hat, dass er geliebt ist von Gott. L'amour que Jésus-Christ envers toi, tu ne dois pas le garder pour toi-même, tu dois le dire. Tu dois dire à d'autres personnes, oui, mon Père m'aime, Jésus-Christ m'aime, tout comme Enoch témoignait qu'il plaît à Dieu, que Dieu l'aime. C'est la même chose avec nous, on doit être conscient de cet amour et on doit la partager. Hebrews 11:5. Amen. By faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Mm-hmm. You know, you have to believe that he loves you. Glauben, believe and say it out. Das Glauben und das Aussprechen, dass er mich liebt. On doit croire et exprimer que Jésus-Christ nous aime. And that is, you know, it pleased him so much. Und das hat ihn gefallen. That you are able to know and believe that he loves you. Dass wir lernen zu wissen und zu glauben, dass er uns liebt. Et si tu es conscient de ça, ça aussi, ça va aussi plaire à Jésus-Christ lui-même. Amen. Que tu puisses témoigner qu'il t'aime et qu'il te considère. And it take away fear, doubt and unbelief. Amen. Es nimmt Unglaube, Zweifel und Ängste weg. Et tout ça, ça écarte la peur, les doutes et la croyance. Amen. Just like the Bible said, perfect love casts out fear. Genauso wie die Bibel sagt, die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Tout comme la Bible nous dit que l'amour parfait chasse la peur. He said, there is no fear in love. Es gibt keine Angst in Liebe. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. It's not to know what we tell people, God love them, God love them. Do we believe he loves us? Wir sagen immer, dass Leute... Do we believe that? Wir sagen Leuten immer wieder, dass sie von Jesus geliebt werden. Aber glauben wir selbst, dass Jesus uns liebt? Encore une fois, on dit toujours aux gens que Dieu t'aime. Est-ce que nous-mêmes, on est conscient de cet amour? Est-ce qu'on le croit? His love for you is unconditional. Seine Liebe für dich ist bedingungslos. L'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. Praise the Lord. Hallelujah. Sons never beg. Söhne betteln nicht. Un fils ne mendie jamais. Amen. Amen. What belongs to the father belongs to the son. Was dem Vater gehört dem Sohn. Ce qui appartient au père appartient aussi au fils. Amen. Remember the prodigal son. Are you getting it? Amen. Rappelez-vous de l'enfant perdu. The father said to the elder son, he said, what belongs to me belongs to you. What belongs to Jesus belongs to you. Was Jesus gehört, gehört dir. Le père avait dit au fils qui était resté que ce qui m'appartient t'appartient aussi et ce qui appartient à Jésus-Christ nous appartient aussi. Amen. And that's why it's not about what man and religion call prayer. Amen. Amen. But what Christ called prayer. Religion als Gebet nennt, sondern das, was Jesus Gebet nennt. Amen. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de ce que la religion appelle prière, mais ce que Jésus-Christ lui-même appelle prière. We don't pray to have peace. Wir beten nicht Frieden. Amen. Amen. If you don't have peace in your heart, you don't have your, you know, peace does not come by prayer. Frieden kommt nicht durch Gebet. La paix ne vient pas à travers la prière. Amen. Amen. We turn the love for giving us his peace. Wir danken dem Herrn. That's how we have peace. Uns den Frieden gegeben hat, so haben wir Frieden. Mais on remercie plutôt Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir donné sa paix. You cannot have him and not have peace. Du kannst nicht ihn haben, ohne Frieden zu haben. Parce que tu ne peux pas avoir Jésus-Christ sans avoir la paix. Because if you have him, if you really have him, your focus will be him. Denn wenn wir Jesus wirklich haben, wenn wir unser Fokus auf Jesus haben, parce que si tu as vraiment Jésus-Christ, ta concentration sera seulement sur lui. Amen. Amen. John 14:27. Johannes 14:27. Jean 14, verset 27. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. John 14, verse 27. Johannes 14:27. He said, peace I live with you. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He did not take his peace away from you. He never. Sein Frieden uns sich weggenommen, niemals. Il nous a jamais arraché sa paix. Jean 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. He said, my peace I give unto you. He did not say, my peace I'm going to give unto you. He said, I give. I've given it to you. You have it. Er sagt nicht, dass ich euch Frieden irgendwann geben werde, sondern er hat uns diesen Frieden schon gegeben. Amen. Il dit pas qu'il va nous donner cette paix, mais il dit qu'il nous a déjà donné cette paix. Praise the Lord. Amen. Peace I live with you. My peace I give unto you. Praise the Lord. Amen. His peace that is different from the peace of this world. Ein Frieden, der anders als der Frieden dieser Welt. Une paix qui est différente, qui est différente que la paix de ce monde. His peace that is not based on any situation. No circumstances can control his peace. Von Situationen beeinflusst werden kann. Amen. Une paix qui n'est pas liée aux circonstances, qui n'est pas liée aux circonstances. He said, I give unto you not as the world giveth. Give I unto you. Mm. You know, the world, they have their own peace. Die Welt hat ihren what they call peace? Was sie Frieden nennen. Amen. Mm. There's no war, is their peace. Wenn es keinen Krieg gibt, das ist für sie Frieden. I'm not in prison, is their peace. Wenn sie nicht im Gefängnis sind, das ist ihr Frieden. Pour eux, la paix, c'est quand il n'y a pas de guerre, où ils ne sont pas en prison ou quoi que ce soit. I'm not sick, is their peace. Dass sie nicht krank sind, das ist ihr Frieden. S'ils sont pas malades, là ils ont la paix. The doctor's report is good, that is their peace. Dass der Arztbericht gut ist, das ist ihr Frieden. un rapport du médecin positif et leur paix. Praise the Lord. Hallelujah. You can name them, there are so many. Amen. Es gibt so viele Sachen dazu, also so viele Dinge, die diese Welt Frieden, vermeintlichen Frieden gibt. Il y a beaucoup de choses que le monde appelle la paix. They have so many things that they believe that can give them peace, but we only have one thing. Wir haben nur eine Sache, die uns Frieden gibt, und das ist Jesus Christus. Mais eux, ils ont beaucoup de choses qui peuvent donner la paix, mais nous, on a seulement une chose, une seule chose, et cette chose, c'est Jésus Christ lui-même. Amen. Amen. Then he said, "Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Praise the Lord. Amen. This place is for you. Diese Stelle geht an uns. Cet verset pour nous, ouais. You see that? Don't let your heart be troubled, neither let it be afraid. Afraid of the past, the present, the future. Afraid of any age, afraid of any time. Keine Angst vor irgendeiner Zeit, vor irgendeinem Alter, vor irgendjemandem. Que votre cœur ne soit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc on doit vraiment seulement faire confiance en Jésus-Christ et pas regarder le temps de ce monde ou quoi que ce soit parce que lui il s'occupe de nous. Don't allow your heart to be afraid of any sicknesses and diseases. Dein Herz sollte keine Angst haben vor irgendeiner Krankheit. Ton cœur ne doit pas avoir peur ou craindre quelconque une maladie ou quoi que ce soit. Don't let your heart be afraid of any news outside there. Dein Herz sollte keine Angst haben vor irgendeiner Nachricht. Ton cœur ne doit pas craindre n'importe quelle information. Amen. Remember Jairus. Erinnert euch an Jairus. Rappelez-vous de Jairus. Somebody told you, know, praise the Lord. You know what, you know, if it comes to Christ, there should be no fear. Wenn es um Christus geht, sollte es keine Angst geben. Quand il s'agit de Jésus-Christ, il doit pas avoir de peur. Amen. Amen. He told this man, you know, in the midst of the terrible news, he said, believe only. Only believe. That's enough. On doit seulement croire et ça suffit. Er hat zu Jairus gesagt, in dieser schrecklichen Position, Situation, hab keine Angst, glaube einfach nur. Il a dit à Jairus, malgré sa circonstance, de ne pas avoir peur, mais seulement de croire. Praise the Lord. Amen. Amen. Let me leave there. Even in the old, the Bible did not say peace come by prayer. Selbst im Alten Bündnis hat die Bibel nicht gesagt, dass der Frieden durch Gebet kommt. Même dans l'Ancien Testament, la Bible n'a pas dit que la paix vient à travers la prière. Jesus did not say pray to have peace. Er sagt nicht bete darum Frieden zu haben. Jésus-Christ non plus n'a pas dit de prier pour avoir la paix. If you have him, if you know him, you will thank him for his peace. Wenn wir ihm danken für seinen Frieden. Amen. Si tu connais Jésus-Christ, si tu as Jésus-Christ, tu vas seulement le remercier pour sa paix. Amen. In Isaiah 26. Go to Isaiah 26. Isaiah 26. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You cannot have peace without the Prince of Peace. Du kannst keinen Frieden haben ohne den Frieden fürst. Tu peux avoir la paix sans le Prince de la paix. Religion always pray for peace, fake peace. Religion betet immer um falschen Frieden. La religion prie seulement pour une paix falsifiée. They pray to be one in evil. Sie beten auch um eins zu seinem Bösen. Ils prient pour être unis, mais dans le mal. Amen. Amen. Let us be one without Christ. That's evil. Eins sein ohne Christus. Laisse-nous être un, mais sans Jésus-Christ, et ça c'est mauvais. Amen. Amen. Let us remove Jesus and let us be one. That's evil. Jesus rausklammern und dann eins sein. On va exclure. On va être un et exclure. On va être un et exclure Jésus-Christ. Let us have peace without Christ. Let us see him only Jesus. Amen. On peut avoir la paix sans Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Look at Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. He said, thou, verset 3. Thou will keep him in perfect peace. Whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. He has, you know, the Lord just revealed to us how to have peace. Amen. It's not by prayer. If you can remember the finished work of Christ, you will have peace. Wenn wir uns auf das fertige Werk von Christus verlassen und erinnern, werden wir Frieden haben. Si on se rappelle de l'accomplissement de Jésus-Christ, là on aura la paix. How to have peace. Wie wir Frieden haben. Amen. C'est comme ça qu'on a la paix. You have peace through what your mind is full of. Du hast Frieden durch das, wovon deine Gedanken voll sind. Ouais, donc tu as la paix à travers tes pensées. Donc ceux de quoi tes pensées sont remplies vont décider si tu as la paix ou pas. Praise the Lord. Hallelujah. You have peace through what your mind. If your mind is full of Christ, there's no Satan can steal your peace. Wenn deine Gedanken voll sind von Christus, kann kein Satan deinen Frieden stehlen. Si tes pensées sont remplies de Jésus Christ, le diable ne sera pas capable à voler ta paix. Amen. If your mind is full of Christ, no Satan can steal your joy, your rest. Wenn deine Gedanken voll sind von If he is full of Christ, von Christus, dann kann niemand deine Freude stehlen, deine Ruhe stehlen. Si tes pensées sont remplies de Jésus Christ, personne peut voler ta paix. Amen. Amen. Christ's peace does not go up and down. Der Frieden von Jesus Christus hat keine Hochs und keine Tiefs. Il n'y a pas de haut et de bas dans la paix de Jésus Christ. It's not today you are in peace, tomorrow you are not. There's nothing like that. Nicht heute bist du im Frieden und morgen nicht. Non, Jésus Christ, tu peux pas avoir la paix aujourd'hui et ne pas l'avoir demain. It's not here in the church you have joy, but after the church, tomorrow. You know, today people have joy because we are in the church. But tomorrow, what about Tuesday, Wednesday? You know, as day goes on, will that joy remain? Und auch nicht deine Freude ist auch nicht ortsabhängig, dass wenn du hier in der Gemeinde sitzt, hast du Freude, aber wenn du dann wieder zu Hause bist, dann bist du wieder am Boden zerstört. Et si tu as Jésus-Christ en toi, ça veut dire que tu es toujours 24 heures sur 24 dans sa paix. Tu ne vas pas être seulement dans sa paix ou dans sa joie quand tu es dans l'église ou que tu es entouré d'enfants de Dieu, mais tu l'as chaque jour. He said, meditate in my word both day and night. So that no demon in hell can steal your joy, your peace. Wir sollen Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen, damit kein Dämon in der Hölle unseren Frieden angreifen kann. Donc c'est pour ça qu'on doit être, on doit méditer dans sa parole jour et nuit, afin que aucun démon, le diable, ne puisse pas nous voler sa joie, sa paix. Amen. He did not say, there is no war, then you have peace, you have joy. Amen. There is no, you know, good doctor, good report from the doctor, then you have peace, you have joy. There's nothing like that. Keine Kriege geben wird und keinen schlechten Arztbericht geben, dann wirst du Frieden haben. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de guerre ou n'y aura pas de maladie ou de rapport négatif des médecins afin que tu puisses avoir ta paix. Or you have money in your account. Oder Geld im Konto. Amen. Tu as forcément de l'argent dans ta banque. Amen. You have enough money, then you have joy, you have peace. Dass du genug Geld, du kriegst Frieden und Freude. Das sagt Jesus nicht. Jésus-Christ ne dit pas que pour avoir afin d'avoir ta paix, tu dois avoir tel montant. He said, "Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee." Amen. Praise the Lord. Ein festen Herzen befasst du in Frieden, weil es auf dich allein vertraut. Amen. À celui qui ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Again, Christ's peace is not today. You have it tomorrow. It's no longer there. Der Frieden von Christus ist nicht heute da und morgen wieder weg. Encore une fois, la paix de Jésus-Christ n'est pas là aujourd'hui et parti demain. So also is his joy. Genauso auch seine Freude. Tout comme sa joie. It's rest. Today you are resting, tomorrow you are working. Da ist nicht heute like Ruhe und morgen bist du vollkommen im Stress. Tout comme son repos, c'est la même chose. You know, everything from him. Alles von ihm. They are constant. Ist beständig. Tout ce qu'on reçoit de Jésus-Christ. Amen. They are changeable. Unveränderlich. Et inchangeable. Because he remained the same yesterday, today and forever. Weil er gleich ist, gestern, heute und für immer. Parce qu'il est, le même pour toujours. Praise the Lord. You know, Luke 10, verse 17 to 20 is very, very important. Lukas 10, 17 bis 20. Luc 10, de 17 à 20 est très important. C'est sehr wichtig. Amen. Amen. How to have peace forever. That's that very big. Comment avoir la paix pour toujours. Amen. Amen. How your peace will not be today, you have peace tomorrow, you are no longer there. Wenn ich heute Frieden habe und morgen gar nicht mehr weiß, wie man Frieden schreibt. Comment avoir la paix aujourd'hui et comment la garder et pas la perdre le lendemain. How to rejoice forever. Your joy continuously that there is no end to it. Comment se réjouir. Unendliche Freude ist Freude ohne Boden. Amen. Comment se réjouir pour toujours. Comment se réjouir sans cesse. Amen. How to walk in the Spirit. Wie wir im Geist wandeln. Comment marcher dans l'esprit. Amen. Praise the Lord. Amen. Remember 1 Peter 1. Erinnert euch an 1. Petrus 1. Rappelez-vous de d'un Pierre 1. Amen. If we go to 1 Peter 1. 1. Petrus 1. 1 Pierre 1. Verse 24. Verse 24. 1 Peter 1, verse 24. 1. Petrus 1, then, 17 to 20. Look, let us look at those two places. First of all, 1 Peter 1, 24. 1. Petrus 1, 24. Praise the Lord. He said, "For all flesh is as grass, and the glory of man is as the flower of grass." Praise the Lord. Amen. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Then verse 25. Amen. Amen. Before we go to verse 25, let us go to Luke 10. Lukas 10. Praise the Lord. Hallelujah. We are coming back to 1 Peter, Luke 10. On va y rentrer ici, mais on part d'abord à Luke 10. Luke 10. Praise the Lord. Hallelujah. from 17 to 20. 17 to 20. And the 70s return again with joy. Amen. Amen. Say, Lord, even the devils are subject unto us through your name. You know, religion, we see, we clap. You know, testimony, when you are giving testimony of the flesh. Religion, clap a lot. British, anfeuern, würde ich bejubeln, wenn du religiöse Zeugnisse gibst. La religion va même t'applaudir si tu donnes des témoignages charnels. Amen. Amen. Verset 10. Verset 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. 19. 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy. So don't be afraid of any enemy. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Feinden. Those that see you as enemy, don't be afraid of them. Die Leute, die dich als Feind sehen, hab keine Angst vor ihnen. Amen. Les gens qui te voient comme leur ennemi, on doit pas les craindre. You are the one that have power over them. Wir sind diejenigen, die Kraft haben über sie. Parce que nous, on sommes les personnes qui ont la puissance sur eux, le pouvoir sur eux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you go, you know that's why you have peace. C'est comme ça qu'on a la paix à travers lui-même. If you know and believe that you have power over enemies, you will not be afraid of any enemy. You have peace. No matter what they are doing to you. Dann werden wir Frieden haben, egal was sie uns antun, egal was sie planen. Si on croit qu'on a une autorité sur nos ennemis, là on sera toujours, on sera jamais inquiet. Amen. Whatever they are planning or doing or their plan, you know, you have power over them. Amen. Du hast die Kraft über sie, egal was sie planen, egal was sie tun. Donc peu importe ce qui planifie, ce qui sont en train de faire en cachette, toi tu as l'autorité sur eux, tu as la puissance sur eux. And he said, and nothing shall by any means hurt you. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. We have to believe our Father. Wir müssen am Vater glauben, wenn er spricht. Amen. On doit croire notre Père quand il nous parle. In all this, in all the protection, in all the care, in everything that your enemy can do you nothing. He said that should not even be your joy. Mm-hmm. Aber obwohl so viel Schutz und so viel Kraft wir bekommen haben gegenüber unseren Feinden, ist dennoch das nicht, worüber wir uns freuen sollen. Et même si on a l'autorité, on a la puissance sur nos ennemis, tout ça doit jamais être la raison pour laquelle on se réjouit, on est joyeux. You know, time can even be people's enemy. Time. Die Zeit kann auch der Feind der Menschen sein. Parce que le temple, par exemple, peut aussi être l'ennemi de l'homme. Even age. Age. Ou l'âge. How old you are can even become your enemy. Dein Alter kann zu deinem Feind sein. Ton âge peut aussi devenir ton adversaire, ton ennemi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, but you have power over everything. Aber Amen. Der Herr sagt, du hast Kraft über alles. Mais Jésus-Christ Jésus-Christ nous dit lui-même qu'il nous a donné le pouvoir et la puissance surtout. Amen. It means don't be threatened by them. Wir sollen uns von ihnen nicht bedroht fühlen. Donc, on ne doit pas être menacé. Don't allow them to threaten you. Lass nicht zu, dass sie dich You bedrohen. Have power over them. Du hast Kraft über diese Dinge. Donc, ne permets pas que ces choses te menacent parce que toi, tu as l'autorité, tu as la puissance sur toutes ces choses. Praise the Lord. Alléluia. You know, Joseph was a slave before Potiphar. Joseph war ein that he was not threatened. Sklave vor Potiphar, aber das hat ihn nicht bedroht. Le fait que Joseph était l'esclave de Potiphar n'a pas menacé Joseph. Amen. That nothing is working, don't allow it to threaten you. Dass nichts funktioniert, lass nicht zu, dass das dich bedroht. Que rien ne fonctionne, n'a pas être une raison pour laquelle tu perds ta foi. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you have power over them. Wir haben Kraft über all das. Parce qu'il dit qu'on a la puissance sur toutes ces choses. Amen. Toutes ces choses. And in everything. Und in all dem. In all. In allem. En tout. That should not even be your joy. So das soll nicht mal unsere Freude. That you have power over them. Dass wir Kraft haben darüber. Et en tout et malgré tout cela, ça ne doit pas être la raison pour notre joie. Verse 20. Verse 20. Notwithstanding, indeed, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. You know, I love here so much. Ich liebe diese Stelle so sehr. J'adore cette place. Because here and in this very place I'm well secured. Weil in dieser Stelle bin ich gut, bin ich versichert. Parce que cette. Ce verset nous réconforte et nous et notre assurance on peut dire. Because in this very place, it cannot be up and down. There's nothing up and down that my name is written there today. Tomorrow is no longer there. Weil das eine Sicherheit ist, die ich habe, weil mein Name hier nicht einfach rausradiert werden kann und morgen wieder von mal da wieder steht. Und das ist beständig. Parce que le fait que nos noms soient écrit dans les cieux est quelque chose qui est constant et qui va jamais changer. In this very place, my joy, my peace, no, my rest, they are all untouchable. Meine Freude, mein Frieden, meine Ruhe sind unantastbar wegen dieser Stelle. Go back to First Peter. 1. Petrus. On va repartir vers 1 Jean. Amen. Amen. 1:24. No, 17. So 19, they are the flesh. 17 bis 19, das ist das Fleisch. De 17 à 19, c'est la chair. Of Luke 10, they are the flesh. They wither away. Sie verwelken. Mais tout ça est vanité. Amen. For our flesh is as grass, and the glory of man as the flower of grass. Praise the Lord. Hallelujah. And grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord, guys, that is Luke 17:20. The word of the Lord, that my name is written in heaven, das Wort des Herrn, das mein Name im Himmel ist forever. Ist für immer. Amen. Amen. Mais, que ton nom est écrit, inscrit dans le royaume des cieux, ça c'est pour toujours. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 25 of 1 Peter 1. 25. He said, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Believe Christ, please. Glaube bitte an Christus. Foi grand Jésus Christ. Believe his message for Glaube you. Glaube an seine Botschaft für dich. Crois son message pour toi. Amen. Amen. Christ's word is spirit and life. Die Welt von Christus ist Geist und Leben. Parce que le monde de Jésus-Christ est spirit, sein Geist and life, ist Leben. His word. Sein Wort ist Geist. He said the word, you know, just where we just read, said the word that is being preached unto you. What you are hearing now is spirit and life. Das Wort, was durch geprägt wird, was ihr jetzt hört, ist Geist und Leben. Amen. Parce que la parole que vous entendez maintenant, sa parole est esprit et la vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is not flesh and death. Nicht Fleisch und Tod. C'est pas la mort et la chair. Amen. Amen. And that's why, you know, if death come, you know, the spirit alive, the spirit give his life. He give anything that is dead life. Der Geist gibt allem, was tot ist, Leben. C'est ça pourquoi l'esprit dans tout ce qui est mort la vie. Amen. Mm-hmm. Only things of Christ are forever. Nur die Dinge von Christus sind für immer. Seulement les choses de Christ sont pour toujours. Amen. Amen. He warned us. Er hat uns gewarnt. In Luke 10. We just read it from 17 to 20. 17 bis 20. Amen. Mm-hmm. That our joy should never be of the flesh. Unsere Freude niemals zum Fleisch sein soll. Das ist eine Warnung. Et dans Luc 10, verset 17 à 20, Jésus-Christ nous a averti que notre joie doit jamais être basée sur la chair. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. Our joy should not be based on things of the flesh. Notre joie doit jamais être basée sur la chair. Amen. Amen. And don't allow anything outside there to steal your joy. Lass nicht zu, dass irgendetwas da draußen deine Freude und Frieden stiehlt. Ne laisse pas que quelque chose vole ta joie ou ta paix. If I even name them to pass your exam. Amen. Zu bestehen. Mm-hmm. Par exemple, to have husband. Dein Ehemann, to find mate. Zu haben. Amen. To have children. To have money. To have job. Geld zu good haben, job. Einen Arbeitsplatz zu haben. To have money. Big account. Geld zu haben. To be beautiful. To be clever. Schön zu sein, you can see sein. It. Or to be handsome. Amen. Les exemples pour la joie mondaine ou bien charnelle sont par exemple que tu as l'argent, mais que tu as un mari, tu as une épouse, tu es belle ou bien beau, ou bien que tu as l'argent, un bon travail, sont toutes des choses charnelles. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And there is no pain should never even be your joy. Mm-hmm. Und auch Schmerzlosigkeit sollte nicht unsere Freude sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Anything we do everything in Christ Jesus. Alles, was wir tun, tun wir in Christus Jesus. Mm. Our rejoicing in everything is based on Christ Jesus. Sich zu erfreuen, tun wir in Christus Jesus. Se réjouir, on le fait aussi en Jésus Christ. Amen. Amen. We don't rejoice like the world. Wir freuen uns nicht wie die Welt. On ne se réjouit pas comme le monde. Amen. We don't rejoice like them. Wir freuen uns nicht so wie sie. On n'a pas la joie comme eux. Amen. Amen. If they are rejoicing that they are healed, that there is no pain, they are rejoicing of the flesh. But of our joy, if it won't be tears, the pain is gone. It's not because, actually it's not because the pain is gone. It's because we have Christ. Because we without Christ, the pain can never be gone. Denn wir freuen uns wegen Christus, weil Christus ist überhaupt zu verdanken, dass dieser Schmerz überhaupt verschwunden ist. Aber unsere Freude ist nicht, dass der Schmerz verschwunden ist. Le monde, par exemple, il se réjouit parce que la douleur ou bien quelque chose d'autre est plus là. Mais nous, on se réjouit seulement parce que Jésus-Christ est en nous, parce qu'on sait que sans Jésus-Christ, cette douleur ne peut pas même disparaître. You know, parents and children, for example. Eltern und Kinder. Comme par exemple les parents et les enfants. You know, once you have children, you are so proud of them because they are beautiful. Wenn du Kinder hast, bist du so stolz auf sie, weil sie schön und gut aussehen sind. You know, any child that is wayward, you know, the parents, they always look at, they always look for a way to decorate that child. Aber you kind, know what is wayward? Was vielleicht jetzt okay. Nicht so süß aussieht. Die Eltern werden dann versuchen, irgendwie das Kind irgendwie ein bisschen aufzupäppeln, damit es halt ein bisschen süßer oder netter aussieht. Et si par exemple tu as un enfant qui est beau ou bien belle, tu es vraiment fière, mais quand l'enfant est, disons, pas joli, c'est là où tu essaies de changer l'enfant, de l'habiller, bien de mettre le maquillage, ou bien faire les cheveux, par exemple. The world, they love beautiful things. You know that. Le monde aime les choses belles. Praise the Lord. Amen. If people, okay, man want to choose a woman to marry, the first they choose is their beauty. Mm-hmm. Before the first they look at is their beauty. Wenn ein Mann sich eine Frau aussucht, die zu heiraten oder um zusammen zu sein, schaut er erstmal auf ihr Aussehen. Das ist das erste, worauf Menschen gucken. Et si un homme cherche une femme, la première chose que l'homme va chercher ou bien examiner, c'est toujours la beauté. You only see Christ. Wir sehen nur Christus. Praise the Lord. Alleluia. We only see Christ. Wir schauen nur auf Christus. Nous, on voit seulement Jesus Christ. To be clever is what parents see in their children. Oder auch Intelligenz. Das ist auch das, was Eltern ihren Kindern sehen. To be beautiful, then to be clever. Intelligent, schön zu sein, das wollen sie in ihren Kindern sehen. et les parents préfèrent de voir l'intelligence ou la beauté dans ses enfants. Amen. Amen. But Christ called it evil. Those things. Jésus-Christ dit que c'est mauvais. Amen. Be proud of the Christ in your children. Sei stolz auf den Christus in diesen Kindern. Amen. Sois fier du Christ dans tes enfants. Be proud that they belong to Christ. They have Christ inside them and outside them. Sei stolz, dass sie auf Christus, zu Christus gehören, dass Christus in ihnen und bei ihnen ist. Sois fier qu'ils appartiennent à Jésus-Christ et que le Christ est en eux et les accompagne. Be proud that their names are written in heaven. Sei stolz, dass that should be your joy. Sois fier. Not that they are clever. Nicht, dass sie süß sind oder dass sie schlau sind. Sois fier que leur nom est inscrit dans le livre. Amen. Et pas qu'ils sont beaux ou qu'ils sont. Oh, they are beautiful and everybody like them. Ils sont schön und jeder mag sie. Praise the Lord. Halleluja. Be proud of Christ in everything. Sei stolz auf Christus in allem. Sois fier du Christ en tout. In the kingdom of heaven, we learn to be proud of who we are. Im Königreich des Himmels lernen wir stolz auf das zu sein, was wir sind. Dans le royaume des cieux, on apprend à être fier de ce qu'on est. We learn to be proud of who we are because who we are because Christ is who we are. Amen. Denn wir sind Christus. Parce que on est le Christ. Amen. Christ is who Christus we are. Ist das, was wir sind. Le Christ est ce qu'on est. Our age is not who we are. Unser Alter ist nicht das, was wir sind. Praise the Lord. Is somebody getting something here? Notre âge n'est pas notre identité. Praise the Lord. Amen. Amen. How old we are is not who we are. Unser Alter it's just das, a number. Das ist einfach nur eine Zahl. It's because you never control your life, your joy. Das heißt, niemals unser Leben, unsere Freude kontrollieren. Notre âge est seulement un numéro. Donc ça ne va jamais contrôler notre identité. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Be proud of Christ. Sei stolz auf Christus. And not be proud you are young. Sei nicht stolz darauf, dass du jung bist. Donc sois fier de Christ en toi et de. Pas de ton âge, que tu sois jeune ou quoi que ce soit. Amen. Be proud of Christ and not be proud of your color. Sei stolz auf Christus, nicht stolz auf deine Hautfarbe. Your color. Sois fier de Jésus-Christ et pas de ta couleur de peau. Amen. Amen. Hey, black and black. Do not be proud that you are black. I'm black and proud. I'm Christ and proud. Amen. Wenn Leute predigen, dass man stolz sein soll auf seine Hautfarbe, sondern stolz darauf sein, dass man schwarz ist. Aber man soll stolz darauf sein, dass man Christus ist. Donc on doit être fier de qu'on est Jésus Christ et pas être fier de notre couleur de peau. Praise the Lord. Hallelujah. We learn to be proud of Christ. I'm not proud that we are black or white or red or green. Wir lernen stolz sein, dass wir Christus sind, nicht stolz auf unsere Hautfarbe, egal welche. Donc on doit apprendre à être fier de Jésus-Christ en nous et pas de votre couleur de peau. Learn to be proud of Christ and not as a Nigerian or Ghana or Congo or you know as a German citizen, but as a citizen of the kingdom of heaven. Amen. Wir sind auch nicht stolz auf unsere Nationalität, sondern stolz auf unsere Bürgerschaft, die im Königreich des Himmels ist. Amen. On doit pas être fier de notre nationalité, du Nigeria, du Congo, quoi que ce soit, mais plutôt qu'on fait partie du royaume des cieux. Ça va être notre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Anything outside Christ is evil. Denn alles außerhalb von Christus bösartig. If you are proud of because you are black, it's evil. Before Christ. Auf unsere Hautfarbe ist das bösartig für Christus. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ est mauvais. Donc si tu es fier de ta couleur de peau devant Christ, c'est mauvais, c'est mauvais. If you are proud because of you know your nationality. Wenn du stolz bist wegen deiner Nationalität. If it, you know you and not because you belong to Christ. Wenn du stolz zum Königreich bist. I'm a citizen of heaven. That should be your pride. That's what it's like, thine strive time. Donc, encore une fois, notre fierté doit être qu'on est un citoyen du royaume des cieux et pas quelque chose de charnel. Praise the Lord. Alleluia. Anything outside Christ is the flesh. And it is evil. Außer von Christus das Fleisch, und es ist bösartig. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ est la chair et ça c'est mauvais. We learn to be proud of Christ and not as a doctor, as a lawyer. Wir lernen stolz darauf, sondern auf Christus und nicht auf unsere Engineer, Professor, auf unsere Bischof. On doit seulement tous ceux qu'on est fiers de venir du royaume des cieux, donc pas notre profession ici sur terre, que ce soit quelque chose qui est lié à la religion. Amen. Amen. You know, when people graduate, parents are so proud of them. Mama lawyer, papa lawyer, papa doctor. Leute so stolz auf ihre Kinder, weil sie jetzt Ärzte anwenden. You are saying Papa Satan. Oder that's the meaning. It should be Christ alone. Weil sie stolz sind auf die Abschlüsse und Errungenschaften ihrer Kinder und sich dann halt auch so bezeichnen. Keine Ahnung, du bist ein Arztmutter oder ein Anwaltsvater. Aber eigentlich bist du eine Vater des Satans und eine Mutter des Satans, weil du auf das Fleisch stolz bist. Und wir sollten den Unterschied kennen als Kinder Gottes. Ja. Donc, beaucoup de gens sont tellement fiers de leur diplôme ou quoi que ce soit, que les gens, si par exemple ton fils ou ta fille est devenu avocat ou docteur, il s'appelle maintenant maman de docteur, maman de médecin, maman de Anwalt, d'avocate, mais or que ils peuvent s'appeler aussi maman du diable, parce que tous ceux qui encore une fois en dehors du Christ, ceux qui glorifient pas Jésus Christ lui-même est mauvais, est diabolique. Praise the Lord. Hallelujah. Let us hate to be proud of the flesh. Lass uns hassen, stolz sein auf das Fleisch. On doit vraiment détester la chair. Be proud of the spirit. Sei stolz auf den Geist. Sois fier de l'esprit. Amen. Amen. If it is about the flesh, Jesus will be a professor. Wenn es um das Fleisch geht, dann wäre Jesus ein Professor. Si c'est de la chair. Oba. Jesus professor. Christ, the highest. Der größte. Professor ou quoi que ce soit. Amen. Amen. He did not even attend school. Er war nicht mal in der Schule. Mais il a même pas été à l'école. Paul even no book more than Jesus Christ. Paulus war sogar weltgesehen gebildeter als Christus. Paul is somebody getting something here? Plus éduqué que Jésus Christ. You know, Paul was able to even read. He went to school, he went to have degree upon degree. But Jesus never even have just one degree, he did not even branch school. Yes. And that's why when he was teaching, they were surprised, they marveled of his doctrine, what he knows. Because what he knows is they are coming from the power of the Holy Spirit. Amen. We are under the power of the Holy Spirit and not under the power of the flesh. Wir sind unter der Kraft des Heiligen Geistes, nicht unter der Kraft des Fleisches. Und deswegen waren auch die Leute immer verwundert, wenn sie gesehen haben, wie die Jünger gepredigt haben, weil sie ja wussten, dass diese Leute eigentlich ungebildet waren. On est sous la puissance, sous la force de l'Éternel, du Saint-Esprit, et pas sous la puissance, sous la force de la chair. C'est la raison pour laquelle aussi les gens étaient toujours étonnés quand Jésus-Christ lui-même, ou alors même ses disciples, étaient en train de prêcher, or qu'ils étaient tous des illettrés. Praise the Lord. You know, here in Deutschland, you cannot be a pastor without going to university. Hier in Deutschland kannst du kein offizieller Pastor sein. They say, if you are a pastor, they say, did you go to university? Studieren. There's Jesus. Aber frag mal Jesus. The Oberchef of the kingdom of heaven. Der Kopf von Adam. And Jesus, did he go to any school? Ist zu einer Universität gegangen, um sich auszubilden als He never read on any Roman. Aber er hat keinen Roman oder sonstiges gelesen. Ici en Europe, par exemple, ou même en général, si tu veux être pasteur, par exemple, il faut avoir étudié. Mais ça, c'est le système de ce monde. Mais si on regarde le système du royaume des cieux, si on demande même notre plus grand chef, le créateur Jésus-Christ lui-même, il n'a même pas atteint l'école, il n'a pas écrit de livre ou quoi que ce soit. Even Peter, he was just a fisherman. Selbst Petrus war einfach nur ein Fischer. Même Pierre, il était seulement un simple pêcheur. Jesus did not look for his qualification, his degree before he said, follow me. Jesus hat nicht nach seiner Qualifikation Nothing. Oder seiner, seiner Arbeit geguckt, bevor er gesagt hat, folge mir nach. Mm. Jésus-Christ n'a pas regardé sur la qualification ou alors sur le, les diplômes de ses, disciples avant de leur dire de, leur, de le suivre. Even Paul that went to school that have degree upon degree said that I have was... to call it shit so that I'm able to follow Christ. Yeah, so I have to submit everything to him. Hat, hat so that they will not take me away from Christ. Alles als Dreck sehen, damit mich diese Sachen, diese ganze Bildung, die ich genossen habe, in Anführungszeichen, mich nicht wieder zurückzieht in mein altes Leben. Même Paul, il a dû rejeter tous ses diplômes afin de pouvoir se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. We learn to be proud of Christ and not as a bishop, as a general overseer, as a deacon or pastor. Wir lernen stolz sein auf Christus big und nicht auf irgendwelche Titel, die uns diese Welt gibt. Mm. It's not hidden. I don't feel know how I hate it. All these big shoppers, dicking. I don't hate it. Wenn ihr wissen würdet, wie sehr ich I'm just a son of God. Wie sehr ich diese Titel hasse. Ich hasse diese Titel, weil ich bin einfach nur ein Sohn Gottes. Mehr und nicht weniger. Und donc on doit être fier de l'esprit, on doit être fier qu'on connaît des enfants de Dieu et pas être fier des titres qu'on reçoit de ce monde, que ce soit bishop, pasteur, ça c'est une dicte en français, je ne sais pas. Diacre ou quoi que ce soit. Ouais. Si vous savez à quel point je déteste ces noms-là, parce que dans tout ça, il ne s'agit pas de Jésus-Christ, mais il s'agit de la personne. Et, Be proud of Christ. On est vraiment fier de Jésus-Christ. Sorry. Amen. Our age is not who we are. Unser Alter ist nicht das, was wir sind. Notre âge n'est pas ce qui on est. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you even go out, nobody will even call you. You know, if you just say I'm 16, if I say I'm 16 today, nobody will argue with me. Amen. I love that. Praise the Lord. Baby gay. Praise the Lord. Praise the Lord! Remember Abraham's wife. You know the story. When they were going to cross from one city to another, he had to tell Sarah to lie so that they will not kill him and take Sarah. Sarah was how old? 70-something years old. Are you getting it? He will not, because the body, the Lord take care of his own property. Amen. Und erinnert euch an Abrahams Frau, als sie dabei waren, zu einer anderen Stadt zu gehen, und er gesagt hat, sag bitte, dass ich dein Bruder bin, weil sonst wird man, weil du so schön bist, wird man mich töten und dich zur Frau nehmen, mich wegnehmen. Und das möchte ich nicht. Und das zeigt halt, wie schön sie anscheinend noch aussah, obwohl sie schon 70 war und älter, und dass er dennoch sogar lügen musste, weil der Herr auf unseren Körper aufpasst. Er konserviert unseren Körper sozusagen. On doit être conscient que Jésus-Christ est que le Seigneur est notre protection. Et on peut voir même à l'exemple d'Abraham, quand ils étaient en train de traverser les différentes villes, il devait dire que Sarah est sa sœur. Parce que malgré qu'elle avait plus de 70 ans et tout, son corps était encore comparable à tel un corps d'une jeune fille. Donc on peut voir que Jésus-Christ prend vraiment soin de ses enfants, que Dieu prend soin de ses enfants. Praise the Lord. Alléluia. Stop seeing what Satan wants you to see. Arrête de voir ce que le diable veut que tu puisses voir. You know, if I see all these small people that call themselves pastors and see their followers, how many they are, and see myself, my age, and see those that are in the ministry here, I'm supposed to be ashamed, but I'm not ashamed of Christ. Amen. Wenn ich mir die Leute anschaue, die jetzt diese kleinen Leute, die Pastoren sind und sich all diese Titel haben, müsste ich mich auch vielleicht im Fleisch schämen für mich. Aber das tue ich nicht, weil ich auf Christus schaue, allein auf Christus. Si je vois par exemple tous ces pasteurs qui ont des grandes églises, qui sont même beaucoup plus jeunes que moi, le monde voudrait que je que j'ai honte de ce fait, mais moi je vois seulement Jésus-Christ. Amen. You know, naturally I'm supposed to be sad. Natürlich gesehen müsste ich eigentlich traurig sein. But my joy is overflow. Ja, meine Freude ist im Überfluss. Charnellement, je devrais avoir honte, mais ma joie est sans cesse. Amen. Amen. I know religious ministry. Ich kenne religiöse Gemeinden. Amen. How full they are. Wie voll sie sind. Je sais à quel point les églises religieuses sont remplies. Amen. As young as the pastor are, you know, there people are so many, you know. But okay. I'm not. I'm not sad. Wo die Pastoren gerade ihr Abi gemacht haben, gefühlt und so jung sind und so viele Leute ihre Nachfolger sind, aber das beeindruckt mich nicht, weil ich auf Christus schaue. Ouais. Où les gens ont les pasteurs les têtes de l'église sont vraiment si jeunes qui viennent seulement passer leur bac ou quoi que ce soit. Et mais moi j'ai pas honte de ce fait parce que je vois seulement Jésus-Christ. Amen. We are opposite to one another. I'm more of Christ, they are of Satan. So I cannot compare myself to them. And I don't want to be like them. Sie sind vom Satan, von der Religion. Ich bin von Christus, deswegen möchte ich auch nicht wie diese Menschen sein. On ne peut pas comparer, je ne peux pas me comparer à ces personnes parce qu'on n'a pas le même père. Eux, ils sont du diable et moi je suis du Christ. Amen. Amen. I am not sad because I've learned to see Christ in the ministry. Ich bin nicht traurig, weil ich gelernt habe, Christus zu sehen in der Gemeinde. Je suis pas triste parce que j'ai appris à voir Jésus-Christ dans notre assemblée. Amen. Even before Christ, I'm a baby. Selbst vor Christus bin ich immer noch ein Baby. Parce que devant le Christ lui-même, je suis un bébé à tout. How old I am? I'm just 60 something. Ich bin 60 plus. Amen. Amen. Moses was 80 years when his ministry started. Aber Mose war wie viel? 80 years. 80 Jahre. He was 80 years when his ministry started. Seine Gemeinde losging. So that alone will tell you that I'm still a baby. Das heißt, ich bin sogar noch jung. Ein Baby. Moi, par exemple, j'ai quel âge? 60 et quelques. Mais, Mais, le ministère de Moïse a commencé, il avait quel âge? Il avait 80 ans. Donc ça vous montre que pour Jésus-Christ, non, pour Dieu, il n'y a pas d'âge. L'âge n'est pas important. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I've learned to see Christ in the ministry, in everything. Ich habe gelernt, Christus zu sehen in der Gemeinde, in allem. J'ai appris de voir Jésus-Christ en tout. I'm not in my age and how long the ministry have been here. Nicht in meinem Alter oder wie lange es die Gemeinde schon gibt. Et pas dans mon âge ou alors dans combien de temps le ministère existe. Amen. Amen. How long the ministry have been? Noah's ministry was more than 100 years. Noah's he was father. Able to know only 8 people were saved. Only 8. Ah. Praise the Lord. So, I praise the Lord. So lange gepredigt. It's there. God of the book of Peter. You see it. In Petrus sehen wir das. Das 100 Jahre lang hat er halt gepredigt, aber dennoch waren nur 8 Leute in seiner Gemeinde. Nur mit 8 Leuten hat er I'm not ashamed of Christ. Diese Arche zugemacht. Und deswegen schäme ich mich nicht für Christus. On peut voir que le temps pour Dieu est vraiment est vraiment pas important. On peut voir que le ministère de donc que Noé a prêché pendant 100 ans, à la fin il y avait seulement 8 personnes. Donc il s'agit vraiment pas du temps, mais il s'agit de la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. More than 100 years. Mehr als 100 Jahre. Only 8. We are more than, I don't even know how many, I don't count it, how many we are here. Amen. I don't count it, how many we are in the ministry, but we are more than 8. Ich kenne nicht, viele Leute hier in der Gemeinde sind. Just 10 years! Und obwohl es 10 Jahre jetzt sind, aber das ist nicht mein Fokus, sondern mein Fokus liegt auf Christus. Je suis vraiment seulement concentré sur Jésus-Christ. On peut voir que ici, on est même plus de 8 personnes. Et c'est ça qui est important. Enfin, c'est que c'est la parole, c'est qu'on est que les 8 personnes qui sont, ou plus, qui sont là, qui sont vraiment réellement sauvées et qui sont concentrées sur Jésus-Christ et leur joie est bâtie dans Jésus-Christ et pas quelque part d'autre. That will help you to know the difference between a living church and a dead church. Unterschied zwischen einer lebendigen und einer toten Gemeinde zu sehen. La différence entre une église vivante et une église morte. Amen. I have learned to walk in the spirit and not in the flesh. Ich habe gelernt, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. J'ai appris à marcher dans l'esprit et pas dans la chair. Praise the Lord. Hallelujah. If you understand the kingdom of heaven, wenn du das Königreich des Himmels verstehst, si tu comprends le royaume des cieux, you will not be ashamed of not knowing the things of this world. Wirst du dich nicht schämen, weil du die Dinge dieser Welt nicht verstehst und nicht kennst? Is somebody getting it? De ne pas connaître les choses de ce monde. Because the system of the kingdom of heaven means you are to be blind to the things of this world. Denn das System des Königreiches bedeutet, dass du blind bist für die Dinge dieser Welt. Parce que le système du royaume des cieux veut dire, non, si tu pratiques le système du royaume des cieux, ça veut dire que tu es aveuglé pour le système de ce monde. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Christ's system means be clever in Christ and be blind to the world. Mm-hmm. That's his system. Schlau zu sein um Christus, aber dumm zu sein für diese Welt. Romains 16, please. Amen. Romains 16. Donc, ton système du royaume des cieux veut dire que tu es peut-être intelligent dans le royaume des cieux lui-même, mais que tu es, mais que tu vois pas les choses de ce monde, que tu es aveugle pour ce monde. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Romains 16. Romains 16. If we read from verse 17, 17 to 19, it's okay. He said, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, avoid them. You know, when I think of some that left this ministry, I rejoice so much because of this very place. And say, avoid it. Verlassen haben, dann freue ich mich wegen diesem Bibelvers, weil hier steht, meidet sie. Are you getting it? Quand je pense à certaines personnes qui ont quitté l'église, je me réjouis parce que ici, il est écrit qu'on doit les éviter. They were here, they caused offenses, division everywhere. Sie waren hier und haben Trennung und Spaltung gesorgt. Parce qu'ils étaient là et ils ont causé des divisions. I'm so glad that the Lord helped us to approach them. Ich bin dankbar, dass der Herr uns geholfen hat, sie zu entwurzeln. Amen. Et je remercie l'Éternel de nous avoir aidé à déraciner ces personnes. Praise the Lord. Hallelujah. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ. You see there. You see there. If you say they are not saved, they will be angry. They want to question you why you are. Look, he said, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Are you getting it? Those that cause division in the living church, in the house of Christ. He said, they are not saved. Für Trennung sorgen, ist nicht errettet. Parce que ici il est écrit que ceux qui causent des divisions dans la maison de Dieu, dans les églises vivantes, ils sont pas sauvés. You know, one of them asked, "Are we not saved before they left? Are we not saved?" Einige haben gefragt oder einer hat gefragt, sind wir nicht errettet, bevor sie gegangen sind? Amen. Amen. Praise the Lord. Certains d'entre eux ont même demandé, enfin une personne a même demandé, est-ce que j'ai perdu mon salut? She should search her mind. Aber diese Person soll ihre Gedanken prüfen, ob sie wirklich errettet ist. Mais cette personne doit examiner sa conscience et afin de savoir si elle est vraiment. Are we getting it? He said, "For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the heart of the simple." Praise the Lord. Hallelujah. They can even quote the Bible. Do I even know? To kind of be able to see. I speak very well. Some do not. Their words are. They cut it. Und gut sprechen. Ils peuvent même mieux. Ils peuvent citer la Bible. Ils peuvent. Verse 19. Jennifer, we have to read verse 19. Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich auch wegen. Möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt aus dem Bösen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad, therefore, on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good. And simple concerning evil. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Be blind to the things of this world. Sei blind gegenüber den Dingen dieser Welt. Are you getting it? Sois aveugle devant les choses de ce monde. Amen. Amen. You know, I mentioned something concerning birthday earlier on. Ich habe eben was über Geburtstage gesagt. Mm. Amen. J'ai dit quelque chose concernant les anniversaires tout à l'heure. I thank the Lord I was not age conscious at all. Ich danke dem Herrn, dass ich nicht altersbewusst war. Mir war mein Alter nie bewusst. Je remercie les ténèbres que j'étais pas conscient de mon âge. Praise the Lord. Amen. You know, some people, they meditate on their age both day and night. Es gibt so Leute, die Tag und Nacht über ihr Alter nachsinnen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui réfléchissent à leur, sur leur âge jour et nuit. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I thank the Lord I meditate on Christ both day and night. Danke dem Herrn, dass ich Tag und Nacht über ihn nachsinne. Amen. Mais je remercie l'Éternel que je suis concentré sur lui, que je pense à l'Éternel jour et nuit. I did not know my age until I came to Europe. Ich kannte mein Alter noch nicht. After marriage, having two children. Geheiratet hatte, ich zwei Kinder hatte, nach Europa gekommen bin. Je connaissais même pas mon âge jusqu'à quand je suis venu en Europe. Après avoir deux enfants, je connaissais pas mon âge. Praise the Lord. Hallelujah. You know, somebody will ask me how old are you? I ask my papa, how old do you think I am? because I'm not there. Weil because I don't even care. Ich because that age ist, it doesn't matter to me. Weil das Alter mir egal ist. For me, it's nothing. Si quelqu'un, par exemple, me demande mon âge, je dois me tourner vers mon mari et lui demander « Tu penses que j'ai quel âge à peu près ?» Parce que ça ne m'intéresse pas. You know, I thought it was even something bad, not to even know. Und ich dachte sogar, das ist etwas Schlechtes, das nicht zu wissen. Il fut un temps où je pensais que c'était mauvais de ne pas connaître son âge. But it really helped me. Aber es hat mir wirklich geholfen. Mais ça m'a plutôt aidé. Amen. Amen. The Lord used it to deliver me from the bondage of age. Der Herr hat genutzt, um mich von der Gefangenschaft vom Alter wegzunehmen. Parce que notre Seigneur l'a utilisé pour me libérer de la captivité de l'âge. Don't allow Satan to put you in that bondage of age. Lass nicht zu, was er there are different bondages that Satan put people into. Dich wieder zurück in die Gefangenschaft dieses Alters mitnimmt. Denn es gibt verschiedene Gefangenschaften, die der Satan einen haben will. Et ne permet pas que le diable puisse te mettre en captivité, que ce soit l'âge ou quoi que ce soit, parce qu'il y a différentes captivités qu'il utilise pour placer les enfants de Dieu. Praise the Lord. L'être humain général. Amen. Amen. Some are so conscious of time. Einige Leute sind auch sehr zeitbewusst. D'autres sont vraiment conscients du temps. They're so conscious of age. Ou alors de l'âge. Amen. You know, Jesus never looked at the time. Maybe he did not have wristwatch. Jesus hat nicht auf die Zeit geguckt, vielleicht weil er keine Uhr hatte. Jesus n'a jamais fait attention au temps. Peut-être parce qu'il n'avait pas de montre, mais. Because for him, yesterday, today, and forever, he is the resurrection. Amen. Weil für Jesus erst gestern, heute, für immer die Auferstehung. Mais parce qu'il est la résurrection pour toujours. Il a été hier, il est aujourd'hui, il sera pour toujours. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, then, yes, I was not even having a relationship with Christ. Those times, before coming here. Some years before coming to Deutschland, that was, time, date, I cannot even mention. Praise the Lord, but I already have two children. That's how I can describe it. Amen. Amen. So, you know, praise the Lord. Amen. No, I was not having a relationship with him. Before coming here, I was full of religion. And from Nigeria, I was already having... Actually, it was not the kingdom of heaven. It was religion. Amen. Before. And when I came here, I was still in religion. Until I now see Christ. Und zu der Zeit, wo ich nicht zeitbewusst war, hatte ich noch nicht mal eine Beziehung mit Jesus. Ich war religiös und hatte keine Beziehung mit Jesus Christus. Aber dennoch waren meine Gedanken nicht voll von Zeit. Même si j'ai jamais fait attention à mon âge, j'ai jamais considéré mon âge, mais il fut un temps où c'était sous la religion et pas sous la grâce de Jésus-Christ. You know, though I was religious, but he already knew me from my mother's womb. Ich war zwar religiös, aber er kannte mich schon seit in dem Schoß meiner Mutter. Même si j'étais dans la religion, Jésus-Christ me connaissait quand même déjà avant ma naissance. Just like he knew you from your mother's womb. Genauso wie dich kennt seit dem Schoß deiner Mutter. Tout comme il te connaît aussi depuis ta naissance, même avant ta naissance. Galatians 1, verse 15. Look at what Paul said. Schaut euch an, was Paulus dort sagt. Galatians 1, verse 15. Verse 15. 15. He said, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace. Praise the Lord. Hallelujah. If you know how he has been taking care of you, even before you became saved, you will say, praise the Lord. Wiedergeboren wurdest sogar, würdest du ihn preisen. Mais l'homme, enfin, l'être humain n'est pas conscient à quel point il t'a protégé, même avant que tu sois né de nouveau, même avant que tu sois sauvé. Mais si tu es conscient de cela, tu vas dire praise the glory à Dieu. Amen. He has been keeping us for himself. Er hat uns für sich selbst aufbewahrt. Amen. Il nous a préservé pour lui-même. And that's why when people see you, they can see that, you know, they can see that you are different. They call you witch. Und deswegen sehen die Leute das auch anders. They call you witch because for Satan, Christ is witch. Und dieses Anderssein können sie nicht verstehen und deswegen nennen sie dich Hexe und nennen sie dich verflucht, weil sie dein Anderssein nicht einordnen können. Und das ist auch normal, weil für den Satan, für Dämonen sind wir wie Hexen, sind wir die Bösen. Amen. Et, c'est la raison pour laquelle quand t'arrives au point où t'es né de vous, quand t'acceptes Jésus-Christ, quand t'es né de nouveau, les gens de ce monde vont t'appeler, vont te donner des noms genre que t'es maudit ou que t'es une sorcière ou un sorcier, parce que c'est vrai, parce que pour le diable, tous ceux qui viennent pas de lui, tous ceux qui ne l'appartiennent pas sont l'ennemi, donc sont des sorciers ou des sorcières. You know, those that I can see in the spirit. You know, Satan can also see in the spirit. Those that can see in the spirit, they can see, you know, they see you in the spirit and they call you evil. Die, die im Geist sehen können, sie sehen dich im Geist und sind nicht bösartig. Les gens qui peuvent voir les choses qui se passent surnaturelles dans l'esprit, ils peuvent te voir et ils vont t'appeler mauvais parce que just like they are evil before Christ. That is how Christ's family, they are evil before them. Genauso wie sie böse sind vor Christus, sind sie die Kinder Gottes, die Familie von Christus bösartig. Tout comme nous, on les appelle mauvais, eux, ils appellent la famille du Christ, tous ceux qui appartiennent au Christ, pour eux, ils sont mauvais. The Lord has been keeping you for himself. Der Herr hat dich für ihn selbst sozusagen aufbewahrt. Encore une fois, l'Éternel, enfin, le Seigneur t'a préservé pour lui-même. Amen. Don't be afraid of anything. Hab deswegen keine Angst vor irgendwas. Donc c'est pour ça tu dois. For any revelation, any vision. Vor einer Vision, you already see. Amen. Denn du bist schon errettet. Donc n'aie pas peur de quelconque révélation ou de quelconque vision. Jeremiah 1. Let's go to Jeremiah 1. Jeremiah 1. Amen. Praise the Lord. Where did that come from? Jeremiah 1, verse 5. Jeremiah 1, verse 5. Praise the Lord. Hallelujah. You know, maybe we read it to 7. Amen. He said, before I formed thee in your belly, in the belly, I knew thee. Amen. He's talking about Jeremiah. I already know you before you were formed in your belly. Before du in deinem, just like you and me. Yeah. Amen. Amen. Und das sagt er auch über dich und mich. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And before thou cometh forth out of the womb, I sanctify thee. And I ordain thee a prophet unto the nation. It's talking about the prophet, but the Bible says we are more than prophets. Er redet hier bei den Propheten, aber die Bibel sagt, wir sind mehr als Propheten. They're greater than the prophets. Il parle du prophète, mais la Bible dit qu'on est plus grand que les prophètes. If this can be for a prophet, how much more the son? Wenn das für den Propheten gilt, wie viel mehr für die Söhne? Et si ça, ça c'est valable pour les prophètes, praise the Lord. Ça c'est valable pour nous, les enfants de Dieu. Please know your identity. Amen. Amen. Know identity. On doit connaître notre identité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Stop underrating yourself. Hör auf, dich selbst unterschätzen. Arrête de te sous-estimer. By seeing what Satan will want you to see. And then time, das age, that your beauty. No things. What others have that you don't. You know, stop on that. You are demoting yourself. That is demotion. You know what demotion is. Hör auf, dich herabzustufen. Donc, quand tu vois les choses d'une manière charnelle, quand tu vois le temps, quand tu te compares à d'autres personnes, là, tu es en train de te dégrader même. Praise the Lord. Mm-hmm. Look at verse 6. Verse 6. Then said I, how, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Praise the Lord. Hallelujah. You know, before, you know, sometimes you are in the midst of people, in the midst of them, you look like a child that cannot even speak. Manchmal sind wir inmitten von Menschen, wir sehen uns wie Kinder, ahnungslos, die manchmal irgendwie Gast sind können. Wir sitzen einfach dazwischen. C'est la raison pour laquelle de temps en temps on est entouré d'autres personnes et on peut rien dire comme un petit enfant parce que on n'a rien à dire. Praise the Lord. Janikia, can you help us to read verse 7, please, chat? Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu einem hingehen, zu dem ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Praise the Lord. Hallelujah. But the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, said the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. This will help you in any time or anywhere. Don't be afraid of their faces. Or what they are going to say. How they are going to look at you. What they are going to think about you. Was sie denken werden. N'aie pas peur de ceux qui vont te dire. Praise the Lord. Amen. Amen. You know what is what called foolish? Was diese Welt dumm nennt. Gott, du fährst Korinthian. Erstes Korinther. So, was der Mond appelt, insensé. Praise the Lord. Bitte was? First Korinthian 1. Erstes Korinther 1. 1 Korinthian 1. Daddy, thank you. Thank you, Father. Amen. First Korinthian 1. Erstes Korinther 1. 1 Korinthian 1. Amen. Amen. Amen. You know, Jeremiah, you know, I don't know. You know, they look like us. Amen. Jeremiah. They're just Jeremiah. Like us. Amen. Jeremiah, il est comme nous. Amen. Look at him. Because of time, let us. From verse 26. Verse 26. 1 Corinthians 1. Or 25. Or 24. Okay, 25. Praise the Lord. Hallelujah. He said, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. 26. For you know your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, nor not many mighty, not many noble are called after the flesh. Not in flesh. Hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It is not who is clever. I know nothing. I am a living example. Je parle de l'intelligence de ce monde. Et moi, je suis un bon exemple pour cela. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 27. Verse 26. That God has chosen. That God has chosen the foolish things of this world to confound the wise. Praise the Lord. Hallelujah. You know, professor, they have to sit down and I teach them. Les professeurs normalement doivent venir ici et s'asseoir et moi je vais les enseigner. Amen. You know this education. I'm not against education, please. Amen. Don't allow it to be your God. Ich bin nicht gegen Bildung, aber lass einfach nur nicht zu, dass es dein Gott ist. Mal comprendre les choses. Je suis pas contre une bonne éducation, mais faut pas permettre que cette éducation devienne votre Dieu. Even this period we ask you, we will help you to rest. It doesn't matter how old you are. You know, until you enter your grave, you can still go to school. Und die Zeit, in der wir uns befinden, sollte dir sogar helfen. You can still go to university. Egal wie alt du bist, du kannst sogar immer noch studieren, sogar von zu Hause aus, ohne dass dich jemand dabei sieht. So it's no longer an issue. Deswegen ist es noch nicht mal mehr eine große Sache, ein großes Thema. L'éducation n'est pas un grand problème ou un truc à débattre. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie et tout, donc peu importe ton âge, tu peux toujours aller à l'école, tu peux toujours... You know what they have is so cheap. Was sie haben ist so billig. Mais ce qu'ils ont est tellement is somebody getting it? Cheap. Or something to be cheap. Etwas billig ist es. Billig. Amen. Jeder kann es haben. Anybody can have it. Jeder kann es sich leisten. Tout le monde peut l'avoir, donc c'est. Amen. C'est pas quelque chose de extraordinaire. Praise the Lord. Alleluia. But what I have is so expensive. It takes the blood of Christ. Das Blut von Jesus Christus. And they cannot have it. Sie können es nicht haben. You know why? Because they cannot surrender themselves. Weil sie sich nicht demütigen können. They cannot submit themselves. They cannot humble themselves. Ceux qui ont et n'a pas la valeur que de ce que moi j'ai, parce que ce que j'ai a été acheté avec un prix qui avec le plus grand prix, avec le sang de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. Verse 28. Our best things of the world are things that are despised. God has chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. Praise the Lord. Amen. That no flesh should glory in his presence. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are you getting it, please? Amen. Amen. Amen. Amen. You know, until I came to Europe, nobody ever told me happy birthday. Und erst als ich zum Geburtstag kontrolliert, weil ich überhaupt wusste, dass ich Geburtstag dann habe. La première fois qu'on m'a félicité pour mon anniversaire, c'était ici en Europe. And that's why, you know, when we came here, a family friend phoned me and said happy birthday, because they know my Geburtstag date. I said, for what? I said, hey, for what? Because I'm not used to it. Nobody. Praise the Lord. Hallelujah. I was nobody. Eben nicht daran gewöhnt. But I thank the Lord that I'm Christ today. Aber ich danke dem Herrn, dass ich heute Christus bin. J'étais, je suis personne, mais je suis quelqu'un à travers le Christ aujourd'hui et je remercie l'Éternel. Amen. Amen. The family friend, her husband and her wife, the man is dead now. I don't know if the wife is still alive. They phoned me, the wife phoned me and said, happy birthday. I said, who is that? I was so shocked. I said, so when I dropped before, I said, am I even celebrating birthday? I said, okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see that it's not about the flesh. If not, I can never be qualified. Never. Je viens donner l'exemple d'une famille qui était, enfin des amis qui l'ont félicité pour la première fois, donc ils savaient que la date de naissance qui était écrite dans ses papiers était le jour là, et ils ont appelé, ils l'ont félicité, elle a dit, vous me félicitez pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris, et ça nous montre que notre qualification n'est pas dans la chair mais seulement dans l'esprit. Amen. Amen. I never tell, you know, people never tell me happy birthday, and I never tell anybody happy birthday. Ich habe Leuten nicht gratuliert und mir wurde auch nicht gratuliert. C'est aussi la raison pour laquelle moi aussi non plus j'ai pas félicité d'autres personnes parce que j'y pensais pas. It is so good to be blind to the things of this world. Es ist gut, blind to the system of this world. System dieser Welt zu sein. Donc là, c'est un exemple pour qui nous montre que c'est vraiment bien d'être aveugle pour les choses de ce monde et sans mal être confronté sur le système du royaume des cieux. Amen. Amen. Even if it is not, if you are not of Christ, amen, it will free you in a way. The natural freedom, amen. Mm. Free you. In Christus, bist. You will not be, you know, I'm a commissioner. You will not be heptish like others. Though it's not salvation that, you know, are you getting it? Mm. Und selbst wenn du nicht noch nicht mal Christus kennst, wenn du gar kein Bewusstsein für Zeit hast, dann wirst du auch gar nicht unter Zeitdruck stehen. Et même si tu n'es pas même si tu toutes ces choses là tu les soumets pas sur Jésus-Christ, donc même si tu les charnellement, ça va quand même t'éviter des problèmes de ce monde, parce que si tu considère pas le temps, les anniversaires ou quoi que ce soit, tu n'auras pas les mêmes problèmes que d'autres personnes ont aussi qui sont concentrées sur ces choses-là. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, some denominations, like the Jehovah Witness, they don't celebrate anything. Es gibt einige Lehren, wo beispielsweise Geburtstage nicht gefeiert werden. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ils ne fêtent pas les anniversaires ou d'autres fêtes. I'm not saying it is Christ. Ich sage nicht, dass es Christus ist. Das hat nichts mit Christus zu tun. Je dis pas que leur raison pour laquelle ils ne font pas est Jésus-Christ. But it helped them in a way. Aber es hilft ihnen in einer Weise. They are not to know this age conscious. Sie haben dieses Altersbewusstsein nicht. Même si ça ne vient pas du Christ, mais ça les aide quand même d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ne sont pas concentrés, ou alors ils ne considèrent pas trop leur âge comme d'autres personnes. Praise the Lord. And this time, you know your age, but allow it to be Romans 8. Let's go to Romans 8. All things work together. Let it work for your victory. Don't let it become a curse. Et maintenant, on doit considérer notre âge de temps, mais on doit le faire comme dans Romains 8. Amen. Amen. You know how many people want to be 30, 40 years and they cannot get there. Es sind viele Leute, die 30, 40 oder irgendein Alter überhaupt erreichen wollen, aber es nicht erreichen werden. Vous savez combien de personnes veulent atteindre un certain âge, mais ils ne sont pas capables de le faire. Praise the Lord. The Lord wants us to rejoice in our age. Der Herr will, dass wir uns freuen in unserem Alter. L'Éternel veut qu'on se réjouit dans notre âge, mais pas comme le monde le fait. Because we are about to start the period of celebrating birthday, which is celebrating Christ for us. Weil wir jetzt in die Zeit gehen, wo wir verschiedene Geburtstage anfangen werden zu feiern. Nein, parce que Romans 8. On arrive dans la période où on va commencer à fêter les anniversaires de certaines personnes ici, mais on célèbre Christ dans ses anniversaires. Amen. Amen. From verse 27. Romains 8, verset 26. Let's read from verse 26. He said, likewise, the Spirit also help our infirmity. The Holy Spirit help our infirmity. When you are weak. Are you getting it? Do you see it? Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten, wenn wir schwach sind. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. He helps us in our weakness. Er hilft uns in unserer Schwachheit. Il nous aide dans nos faiblesses. Amen. Amen. For we know not what we should pray, for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us, a groaning which cannot be uttered. Praise the Lord. Amen. 27. And he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saint according to the will of God. Amen. It's talking about you and me. That the Holy Ghost maketh intercession for us. Tritt für uns ein. We are never alone. Wir sind niemals alleine. In anything at all. Amen. Il parle de nous aussi et on dit que le Saint-Esprit est pour nous. On n'est jamais tout seul. On a une personne qui nous aide à chaque moment. Praise the Lord. Then verse 28. Verset 28. And we know that all things work together for good. All things, not some few things. Alles wirkt zum Guten. All. Amen. All things. Alle Dinge. Et on sait que Amen. Toutes choses concurrent au bien. Amen. Amen. Work together for good. To them that love God. Amen. To them who are called according to his purpose. Pour ceux qui aiment Dieu. Praise the Lord. Alleluia. No matter your age, it works for good for you. Egal wie alt du bist, es ist zu deinem guten. Amen. Donc, peu importe ton âge, tout ce qui arrive pour ton bien. But learn to be destroy the work of Satan away from your life. Aber lerne, Amen. That is the purpose of God, of Christ. Apprendre à First John. À rejeter et à détruire tout ce qui vient du Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Our things work for good for you. Alle Dinge, no matter how long you are spending your study, your university, it works for good for you. Don't allow it to become a curse. Lass nicht zu, dass das zu einem Fluch wird. Mm-hmm. Donc tout ce qui vient, non, tout ce le temps et toute autre chose sont là pour ton bien. Donc ne permets pas que le diable peut te un peu te distraire ou alors te faire croire que toutes ces choses-là deviennent une malédiction ou quoi que ce soit. Amen. All things, including to pain, work for good for you. Amen. Pain. Amen. You know, the dead man cannot feel pain, but you still, that's why love should help you to know that you are still alive. Ein toter Mensch kann auch nicht mal Schmerzen fühlen. Diese Schmerzen sollen dir auch noch mal zeigen, dass du lebendig bist, dass du am Leben bist. Même les douleurs sont là pour ton bien, parce que les douleurs peuvent te montrer que tu es toujours en vie. Une personne qui est morte ne ressent plus de douleur. Amen. We know how many we are here should work for good for us. Die Anzahl der Menschen, die wir hier sind, sollte auch zum Guten für uns wirken. Nochmal. La quantité, même la quantité de personnes que nous sommes ici, ça doit aussi être pour notre bien. All things, including how many we are. Egal wie viele sind. Même le nombre de personnes qui sont ici. Amen. You know, time, age, everything should work for good for you. Alles soll zum Guten für uns wirken. Tout est pour ton bien. Amen. Amen. Our birthday is of heaven. Unser Geburtstag ist vom Himmel. Même notre anniversaire vient du royaume des cieux. Because it is all about Christ Jesus. Weil es nur um Jesus geht. Parce que ça est seulement de Jésus Christ. Anytime we are celebrating birthday, heaven is celebrating us also with us. Wenn wir feiern, feiert Christ der Himmel mit uns. À chaque fois qu'on fête les anniversaires, le ciel fête avec nous. You know why? Because we never celebrate the flesh, but Christ in us. Et le ciel se réjouit avec nous, parce qu'on fête, on célèbre jamais la chair, mais le Christ. No, once you come to Christ, heaven rejoices. Wenn es um Christus geht, freut sich der Himmel. Parce que dès qu'il s'agit de l'éternel, le, remember the birth of le ciel Jesus. Se réjouit. Rappelez-vous du. There was joy in heaven. Erinnert euch an die Geburt von Jesus. Es gab Freude im Himmel. Und rappelez-vous de la naissance de Jésus-Christ. Le, il y avait la joie dans le ciel. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. They celebrate their flesh. Sie feiern ihr Fleisch. We celebrate Christ. Feiern We celebrate the Spirit. Den Geist. On célèbre l'éternel et pas la chair. They celebrate Satan. Okay. They celebrate Satan. Ils feiern den Satan. Eux, ils fêtent le diable. We celebrate Christ Jesus. Jesus Christus. Mais nous, on fête. Anytime you are celebrating the flesh, you are celebrating Satan. The earlier you know that, the better for you. Feiern wir Satan, so früher wir das wissen, umso besser für uns. Donc, il est très important pour nous d'être conscients de ce qu'on fête. Donc, parce que. Amen. Amen. And we don't join them to celebrate whatever they celebrate with them. Und we don't join them. Wir unterstützen sie nicht dabei, das Fleisch zu feiern. Et s'il y a deux personnes qui veulent, qui ont des fêtes charnelles, on ne doit pas s'unir avec eux, on ne doit pas les aider à glorifier la chair. Amen. They might be your mother, your father, your brother, your sister. Jesus loved them more than you love them. You should know that. And not you love them, there's just Jesus that doesn't want you to go there. I'll show you love. Jesus liebt sie mehr. Und deswegen musst du dich nicht verantwortlich fühlen, dorthin zu gehen, um deine Liebe zu beweisen. Denn Jesus liebt sie mehr. Amen. Donc, ça peut être des proches, ça peut être des membres de ta famille. Mais s'ils célèbrent la chair, on ne doit pas les soutenir dans ce mal. On ne doit pas s'unir dans le mal. Même si tu les aimes, tu dois être aussi conscient que l'amour que tu as envers ces personnes-là n'est pas comparable à l'amour de Jésus-Christ envers ces personnes. Stop congratulating Satan. Hör auf den Teufel zu gratulieren. Arrête de féliciter le diable. Amen. You are not there, but you people tell congratulations. Du bist nicht dabei, aber happy du birthday. Gratulierst. What is that? Wieso? A child of God. You know, he said, get out of it. We go there. First, 2 Corinthians 6. What has darkness? They might have them. You know, if Jesus take the same decision we take today, he will not even be able to save us. Wenn Jesus at times the Lord never listened to the flesh. Enttreffen würde wie wir, dann hätte er uns nicht retten können. Ich danke dem Herrn, dass er sich nicht dem Fleisch untergeordnet hat. Donc on a pas félicité le diable. Donc si tu sais par exemple que cette personne n'est vraiment pas du Christ, tu n'as pas appelé cette personne pour lui souhaiter des bonnes fêtes ou un bon anniversaire ou quoi que ce soit. Je remercie Dieu, je remercie Jésus, l'Éternel pour Jésus-Christ, parce que lui, il n'a jamais valorisé la chair. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't join them. Don't allow. Don't send your children there to go and celebrate with them. Some, you know they are, but you send your children. You are not there. You send your children there. I don't even know who people are. Donc, ne sois pas avec ces personnes. Donc, même si tu es un parent ou quoi que ce soit, toi-même, tu ne vas pas où tu t'envoies tes enfants. C'est pas juste. Stop joining them. Darkness and light cannot work together. Und Licht können nicht zusammengehen. Arrête de tu ne dois pas les suivre parce que la lumière et l'obscurité ne veulent pas être présents en même temps. Darkness and light cannot work together. Two cannot work together except they are one. If you walk with them, it means you are one with them. Wenn du mit ihnen zusammengehst, heißt das, du eins bist mit ihnen. Ouais, parce que Second Corinthians 2 ne peuvent pas faire le travail à part si ces deux personnes sont un. We were here last week also. Amen. 2 Corinthiens. Second Corinthians 6. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Even from verse 14 again. 14. But it said, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? If you say you are light, you don't have anything to do with darkness. Wenn du sagst, du Licht bist, dann hast du nichts mit der Dunkelheit zu tun. Si toi-même tu dis que tu es la lumière, tu n'as rien à voir avec les ténèbres. Amen. Amen. All you are owing them is Christ Jesus. Alles, was du ihnen schuldest, ist Christus Jesus. Tout ce que tu leur dois, c'est Jésus-Christ. And I have to be there for them and send them the message to listen to. Und wir sind da, indem not wir visiting ihnen, them. Die Botschaft auch schicken, nicht indem wir sie besuchen. On est là pour eux en leur donnant la parole de Dieu, en leur donnant la vérité, pas quand on leur rend visite. Allow Christ to bring them to himself. Lass zu, dass Christus sie zu ihm selbst führt. Permet que l'Éternel, que le Christ lui-même les ramène vers lui-même. Verse 15 said, and what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believe with infidel? Praise the Lord. Amen. And what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Mm-hmm. As God has said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God. And they shall be my people. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 17. Wherefore, come out from among them. Amen. Amen. I don't know the part that you don't know here. Come out from among them. It's so simple. It's so einfach. Amen. And be you separate, said the Lord. And touch not the unclean thing. And I will receive you. And will be a father unto you. And you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And don't be sad if you are not part of their celebration. Don't be sad. Rejoice. Amen. Et ne sois pas triste si tu n'es pas si tu n'es pas présent dans leur fête ou quoi que ce soit. Amen. Amen. Don't be sad if you are not part of it. If they never invite you, if you are not there, if people they invite you, you are not even going. Amen. Donc, you are not even going. Amen. Si because darkness and light can never be one. Bei Finsternis und Licht können nicht eins sein. Parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas être un. Amen. Amen. We just make it clear that darkness and light cannot work together. It's as simple as ABC. You know. Instead, rather rejoice that you are able to choose Christ. Because without choosing Christ, you will be there. If you reject Christ like them, you will be there. Weil wenn du Christus außen verweigern würdest, wärst du bei ihnen. Es gäbe keinen Grund, weshalb du nicht bei ihnen wärst. Parce que si, bon, s'il t'invite ou quoi que ce soit, même s'il t'invite pas, ne sois pas triste. Parce que là, le seul moyen pour être avec eux dans la fête et tout, c'est quand toi aussi tu rejettes le Christ quand eux le font. Jesus said we should rejoice in choosing him. Jesus sagt, wir sollen uns freuen, weil wir uns für ihn entschieden haben, ihn gewählt haben. On doit se réjouir parce qu'on a choisi Jésus-Christ. Anytime you are not going the way they are going, then you are choosing him. Amen. Amen. Praise the Lord. It should never make you sad but rejoice. Matthew 5 said rejoice in persecution. Wir sollen uns freuen in der Versuch, in der Verfolgung. On doit se réjouir dans la persécution. Wir sollen uns freuen in der Verfolgung. Das habe ich gesagt, aber vor. Anytime you are not choosing them. Wenn wir uns nicht für sie entscheiden. Amen. Amen. Du wählst Christus. You are choosing Christ. Amen. Ouais. Donc à chaque fois que tu choisis pas la chair, tu choisis automatiquement Jésus-Christ. Donc à chaque fois que tu choisis pas de t'unir avec eux, si c'est pas sous la grâce, tu choisis Jésus-Christ automatiquement. Stop being there for them. Allow Christ to be there for them. Amen. Not their savior. Donc arrête d'être là pour eux. You know, this message is always coming. Là pour eux, parce que tu n'es pas leur sauveur. Rejoice that you are under grace and not under law. Réjouis-toi que tu es sous la grâce et pas sous la loi. I quickly explain a few things concerning grace and law. They will close. Amen. Ich werde noch einige Sachen erklären über Gnade und Gesetz und dann machen wir Schluss für heute. Je vais encore expliquer quelques points concernant la loi et la grâce. Après, on va. Amen. Amen. We have to know the difference between the two. Wir sollten den Unterschied kennen zwischen den beiden. On doit connaître la différence entre les deux. And you have to know if you are under grace or you are under law. Wir sollten wissen, ob wir unter der Gnade stehen oder unter dem Gesetz. Et tu dois savoir si tu es sous la loi ou sous la grâce. You know, there's a place. Jesus said, I brought sword and not peace. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Schwert zu bringen und nicht ein nicht Frieden. Jésus-Christ a ramené l'épée et pas la paix. You know, you have to understand that very well. I heard you reading it yesterday also. In the Bible studies. Amen. Matthew 10. Let us go there. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, my ears, they are always here or there. Amen. Matthew 10, from verse 34. 34. He said, think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace but a sword. Praise the Lord. If you read it, let me see to even to the end. He's talking about grace and law. Es geht hier um Gnade und Gesetz, wenn man das zu Ende liest. Ici, il parle de la loi et de la grâce. Amen. Amen. He's talking about grace and law. Es geht um Gnade und Gesetz. Il s'agit de la grâce et de la loi. It means you are either under grace or you are under law. Du bist entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz. Donc ça veut dire que tu es soit sous la loi ou sous la grâce. Let me quickly say this. The system of this world is law. It's based on law. Das System dieser Welt basiert auf Gesetz. Le système de ce monde est basé sur la loi. Law means it's based on you. Ça c'est basé sur toi. It's you. It is about you. Es geht um dich. Donc et si c'est basé sur la loi, ça veut dire que il s'agit de toi. Amen. In law, it is based on your achievements. Es geht um dich und deine Errungenschaften. Il s'agit de tes accomplissements. It is not what Christ achieved, but what you achieve. Es geht nicht um das, was Christus geschafft hat, sondern das, was du erschaffst. Donc, il s'agit de ce que Jésus. Amen. Il ne s'agit pas de ce que Jésus-Christ a accompli, mais ce que toi tu as accompli. It means it is all about you and not Christ. Nicht um Christus. Il s'agit de seulement de toi et pas du Christ. Amen. Amen. Under grace means you are choosing Christ. Aber in der Gnade entscheidest du dich für Jesus. Mais quand tu es sous la loi, ça veut dire que tu choisis Jésus-Christ. Amen. Sous la grâce, pardon. Praise the Lord. Alléluia. Under grace means you see the finished work of Christ. Du siehst das fertige Werk von Christus. Sous la grâce, tu vois l'accomplissement de Jésus-Christ. Under grace means you don't value what people say or what people do. Or what they think about you. It's all about what Christ is saying about you. Donc sous la grâce, il ne s'agit pas de ce que les gens pensent de toi ou ce que les gens disent de toi. Il s'agit seulement de l'opinion de Jésus-Christ sur toi. You know, they can tell, you know, somebody can come and even insult me the way he insults you. And you will be fighting. I will just look at them and just smile. Amen. Why? Because under grace, I see Christ and the finished work. That whoever fight me, fight Christ. Are you getting it? I will even be praying for that person. I'm blessing him or her. But under law, you fight back. You can see the different place. Und deswegen könnte man mich genauso schrecklich beleidigen wie dich. Aber weil du beispielsweise im Fleisch bist, gehst du auf die Person los und verprügelst sie vielleicht sogar. Aber ich reagiere nicht darauf. Ich bete einfach nur für die Person und segne sie, weil ich mich nicht angesprochen fühle, weil ich mich nur in Christus angesprochen fühle. Ich nur das schätze, was Jesus über mich sagt und nicht das, was der Mensch über mich sagt. Oh. Si, par exemple, si quelqu'un rentre ici et commence à t'insulter ou m'insulter, il y aura peut-être une différence de réaction parce que moi, je vais seulement voir Jésus-Christ et je vais même prier pour cette personne, je vais bénir cette personne et une autre personne va peut-être attaquer cette personne. Under grace means you choose Christ. You listen to Christ and not your mother, your natural parents or your people. Under grace means it is, you know, what Christ said about you is final and not what other people are saying. You choose him. Your focus is him. That's under grace. Die Gnade ist dein Fokus auf Jesus, ist nicht auf das, was Menschen sagen oder was Menschen tun. Donc, du entscheidest dich für ihn. It means you are choosing Christ. That's under grace. Quand tu es sous la loi, tu choisis Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas pour toi de ce que les gens disent, mais il s'agit seulement de Jésus-Christ. It means you ignore the flesh. You are ignoring the flesh. And you are choosing the Spirit. And that's why, I'll come here. In Matthew 10 from verse 34, that is why. Think not that I've come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. Why? Because once you choose Christ, you automatically become the enemy of the people. Und wieso wird I hope you get it. Deine Hausgenossen zu Feinden, weil wenn du dich für Jesus entscheidest, wirst du automatisch zum Feind der Menschen. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu avec l'épée parce que quand tu choisis, une fois que tu choisis Jésus-Christ, automatiquement, tu es contre ces personnes-là. Donc, il y a automatiquement une division avec les gens qui n'ont pas le même père, automatiquement. Under grace, you are automatically the enemy of the people. If I am under grace, if my mother-in-law is under law, it's going to be sold. And in the ministry also, if somebody is fighting, you know, Romans 16. He talk about who bring division into the ministry. That person is under law. Are you getting it? Into a living church, he's under law. And grace and law, they are opposite direction. Are you getting it? And that's why there's always fight. Werden verfeindet sein, weil wenn der eine in der Gnade ist, in anderen Gesetz, wird es zu einem Schwert kommen. Und genauso wie auch, wo wir eben gelesen haben in Römer, dass wenn in einer Gemeinde, in einer lebendigen Gemeinde Menschen sind, die sich von einer Irrlehre treiben lassen, die sich vom Gesetz treiben lassen, dann wird es auch zu einem Schwert sorgen. Und man muss diese Person, diese Menschen dann halt aussondern aus der Gemeinde. Enfin, si par exemple, une fille est sous la grâce et sa belle-mère, par exemple, est sous la loi, ça veut dire qu'automatiquement, il y aura l'épée entre ces deux personnes. Parce qu'ils glorifient pas, ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et c'est la même chose aussi avec si une personne vient dans une église vivant par exemple et veut et créer des problèmes ou créer une division, ça veut dire que cette personne est aussi sous la loi et sous la religion. Et cette personne, il y aura aussi l'épée qui va venir entre les gens qui vont pouvoir rester sous la grâce et les gens qui vont peut-être se laisser influencer par la personne qui est sous la loi. Mais il y aura toujours une division, une séparation entre la lumière et l'obscurité, au possible. Amen. You know, at the beginning, it may not be as if there's salt in the family. If you keep on choosing Christ. But as you keep on choosing Christ, when they are celebrating their evil, and you are not there, there will be war. That there's salt. Amen. The truth is going to divide you. It's a matter of time. It's going to separate you from them. Except if you are not believing and acting on it. Am Anfang wird es vielleicht keinen Streit oder also kein Schwert geben, aber wenn du anfängst, dich für Christus zu entscheiden und gegen sie und deswegen beispielsweise nicht auf Feiern auftauchst oder die Einladung nicht annehmen kannst, dann wird sich das langsam zeigen und dann werden sie sich gegen dich wenden. Au début, si tu choisis Jésus-Christ, la séparation comme telle ou alors l'épée comme telle ne sera pas visible. Mais si tu continues à chaque fois à choisir Jésus-Christ, petit à petit, les gens vont voir la différence. Ils vont voir que tu ne fais plus partie de leur fête ou quoi que ce soit. Et tôt ou tard, il y aura un point où soit ces gens vont te suivre ou toi, tu suis ces personnes là où il y aura complètement une division. Under love, you are in the flesh. Under grace, you are in the spirit. Unter dem Gesetz bist du im Fleisch, unter der Gnade bist du im Geist. Sous la loi, t'es sous la chair et sous la grâce, t'es dans l'esprit. Under law, you see yourself, you see your age, you see what you don't have. Unter der Gnade. But under grace, your focus is so much on Christ. Unter dem Gesetz siehst du auf dich und was du hast und was du nicht hast, aber in der Gnade ist dein Fokus so sehr auf Jesus Christus. Sous la loi, tu vois toi-même, tu vois ce que tu as accompli ou quoi que ce soit. Et sous Jésus-Christ, tu es dans l'esprit. Donc c'est deux choses vraiment complètement opposées. Under law, I see the natural blood. Under grace, I see Christ's blood. And that's why I cannot love mercy more than I love you. Unter dem Gesetz sehe ich das normale Blut und nicht das geistliche Blut, aber in der Gnade sehe ich das Blut von Jesus Christus und deswegen kann ich meine biologische Tochter nicht mehr lieben als meine Töchter im Geist. Et sous la loi, il s'agit du sang naturel, du sang de ce monde, mais sous la grâce, il s'agit du sang Jésus Christ. Et moi, si je suis vraiment sous la grâce, donc je peux pas aimer ma fille charnelle plus que j'aime mes enfants ici dans l'église. Amen. And if you see me loving mercy more than I love you, you are under law. Und wenn du meinst, dass ich meine Tochter mehr liebe als dich, dann bist du auch im Gesetz. Et si tu crois que j'aime ma fille plus que d'autres personnes ici, ça veut dire que toi tu es dans sous la religion, sous la loi. Under law, Satan have power. Unter dem Gesetz hat der Satan Kraft. Parce que sous la loi, le diable a la force, a la puissance. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In this world, it is normal that I love my biological, what do you call it? Mm-hmm. My my daughter or my son naturally more than I love others, if even you are a pastor. In the natural world, you understand, in the physical world. But in Christ's world, it is forbidden. Yeah. Because Christ's blood is thicker than any natural blood. Amen. In the natürlich Welt ist normal. That's why I learned it. Leiblichen Kinder mehr liebt als andere Kinder, aber im Königreich Gottes ist es verboten, weil das Blut von Christus dicker ist als das natürliche Blut. Amen. Dans le monde naturel, c'est normal, c'est même naturel d'aimer ses propres enfants plus que d'autres personnes avec qui tu n'es pas comment on dit, connecté, tu as des liens, parenté, apparenté. Mais dans le royaume des cieux, c'est même interdit parce que le sang de Jésus-Christ qui nous unit est plus puissant et plus puissant que le sang naturel. Donc c'est même interdit pour moi d'aimer mes enfants biologiques plus que aimer d'autres personnes qui sont membres de la famille de Jésus-Christ. Praise the Lord. The blood of Christ is so powerful. Das Blut von Christ ist so kraftvoll. Amen. Le sang de Jésus-Christ est vraiment puissant. Amen. You know, if you love your daughter more than you love others, people say it's normal. Amen. If even you are a pastor, they see it as normal, but Christ see it as evil. Because it's not based on his own blood. Amen. Wenn du deine Tochter mehr liebst als andere Leute, werden Leute sagen, das ist normal, aber im Königreich des Himmels ist das nicht normal, das ist bösartig. Si t'aimes ta fille plus que d'autres personnes, c'est normal pour ce monde, mais dans le royaume des cieux, c'est mauvais, parce que rien n'est plus puissant que le royaume des cieux. Praise the Lord. Alleluia. And that's why it is so good we see things under the blood. Deswegen ist gutes für Dinge im Geist, im Blut sehen. Et c'est pour ça que c'est très important et c'est bien de voir les choses sous la grâce, sous le sang de Jésus-Christ. I learn to see the blood of Christ rather than the natural blood. Anstatt das natürliche Blut. Et j'ai appris de voir les choses comme l'Éternel veut que je voie les choses. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Under law, I see this is my daughter, this is my son. But under grace, I see you choosing Christ. That's how I'm in love with you. Im Gesetz sehe ich, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. You see the difference. Aber in der Gnade sehe ich Christus in dir und das macht uns. You choosing Christ, dass du Christus wählst. Amen. Then I see the blood. Help me to see the blood. Es hilft mir, das Blut zu sehen. Encore une fois, sous la loi, c'est normal que j'aime ma fille. Que j'aime plus ma fille comparée à d'autres personnes, mais sous Jésus, mais quand sous la grâce, tes décisions qui sont en Jésus-Christ, qui sont sous la grâce, vont m'aider, moi, à voir le sang de Jésus-Christ. Et c'est quand je vois le sang de Jésus-Christ, je vois l'amour de Jésus-Christ. I love you because you choose Christ. Ich liebe dich, weil du Christ. I'm dying for you because you choose Christ. That's grace. Je t'aime parce que tu choisis Jésus-Christ. Et ça, c'est la grâce. Und das ist Gnade. Et parce que tu choisis Jésus-Christ. Et tu aimes Jésus-Christ. Irgendwo, zwei Sachen hat sie gesagt. Praise the Lord. I said, I love you because you choose Christ Jesus. Nothing else. Donc, je t'aime parce que tu choisis Jésus-Christ. Et je t'aide parce que tu choisis Jésus-Christ. Amen. Amen. I chose you because you chose Christ. Ich habe dich gewählt, weil du Jesus gewählt hast. Je te choisis parce que toi tu as choisi Jésus-Christ. Amen. I'm there for you. Why? Because you chose Christ. I can see the blood walking. The blood that connects us together is walking. Das Blut, was uns verbindet. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui nous dans le sang de Jésus-Christ est notre connexion. C'est ça, le sang de Jésus-Christ qui nous unit. Praise the Lord. Alléluia. Christ's blood is more important than any natural blood. Das Blut von Christus ist größer als jedes, wichtiger als jedes natürliche Blut. Le sang de Jésus-Christ est plus grand et plus important que le sang naturel. Under grace, we see Christ's blood alone. In der Gnade sehen wir das Blut von Christus. Not Christ's blood and my daughter. Christ's blood alone. Das Blut von Christus alleine sehen wir, nicht das Blut von Christus und die Verwandtschaft. Parce que sous la grâce, on voit seulement le sang de Jésus-Christ. On voit pas le sang de Jésus-Christ et nos liens familiaux. Praise the Lord. Amen. And that's why it is so good that you learn to live in the Spirit, to know how to live in the Spirit. Because if I am taking decision or judging, if you are in the flesh, I'm in the Spirit, you think I'm Johnny One. But if you are in the Spirit with me, you see that I'm neutral. Deswegen ist es wichtig, auch die Dinge im Geist zu sehen, weil sonst wird man die Entscheidungen wird man unsere Entscheidungen nicht deuten können und denken, okay, diese Person ist einfach nur voreingenommen, weil sie parteiisch ist und immer auf der Seite ihrer Tochter ist oder immer auf der Seite ihres Sohnes ist. Aber man muss erkennen, dass ich im Geist, dass ich neutral bin, weil ich einfach nach dem Geist Gottes richte und nicht nach der Verwandtschaft, nicht nach der Beziehung richte, sondern ich richte nach der Beziehung zu Christus, die man hat. Amen. Si par exemple, moi je suis dans l'esprit, toi tu l'es pas, et s'il y a, je sais pas, il y a deux personnes, enfin une de ces personnes est peut-être ma fille ou ma ou mon fils, il y a une discussion avec une autre personne. Moi, je serai toujours neutre et je vais toujours choisir le côté de Jésus-Christ. Donc, la personne qui est en esprit va avoir raison. Mais si toi, tu vas tout. Et si la personne qui est dans l'esprit est ma fille ou mon fils, c'est clair que je serai de leur côté. Mais si toi, tu n'arrives pas à voir l'aspect spirituel, mais tu vois seulement l'aspect charnel, là tu vas croire que je suis pas neutre, que je prends toujours partie de mes enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Grace and love covers everything here on earth. Amen. Gnade und Gesetz umfasst alles hier auf Erden. Mais la loi et la grâce You are either under grace or you are under law. Donc tout dans ce monde est soit sous la loi ou sous la grâce. Et toi aussi, donc tu vas savoir que tu es soit sous la loi ou sous la grâce de Jésus. Or you are either under Christ or under Satan. Donc tu es Oder unter dem Satan und unter dem Gesetz. Donc ça veut dire que tu es soit sous Jésus-Christ ou tu es sous le diable. Amen. Amen. Everything on earth is either grace or alles auf Erden ist entweder Gnade oder Gesetz. Tout ce qui est sur terre est soit sous la loi ou sous la grâce. We are all trained with laws. Wir wurden alle mit dem Gesetz erzogen. On a tous été éduqués sous la loi. You know when your children, when your child, when you send your, okay, let me say children, when you send your children to school. Two of them, for example, one passed, the other failed. You clap for the pass, the one that passed, and you say "olodo" to the other one that failed. Or, what do you call it? You say dollar. You understand me? You know, you clap for the one that passed, and the other one no clap. You are under law. Und that's law. Wenn wir beispielsweise Kinder haben und der eine besteht in der Schule und der andere nicht. Wird der eine, der bestanden hat, belohnt, kriegt vielleicht sogar ein Geld, kriegt einen Wunsch frei. Und der andere wird bestraft und wird sogar verflucht und wird dumm genannt, weil er halt eben nicht den Erwartungen der Eltern gerecht geworden ist. Und das ist aber Gesetz. Un exemple, par exemple, pour la loi, c'est quand tu as peut-être deux enfants et ces deux enfants vont à l'école, un réussit ses examens et l'autre rate ses examens, peut-être tu vas applaudir pour ton enfant qui a eu des bonnes notes à son examen, mais tu vas même le récompenser, mais l'autre, tu vas peut-être même le, le punir ou tu vas le maudire. Praise the Lord. Ça, c'est la loi de ce monde. Amen. Amen. Because you know why? Because Christ does not see us in that way. He doesn't see your past of faith. He sees He. Amen. And that is what we are to see. The Christ in our children. Are you getting it? And now you pass or you fail. Christus sehen wir in unseren Kindern, deswegen sollten wir sie nicht feiern oder pushen, wenn sie fleischliche Errungenschaften haben, sondern wegen Christus feiern wir und Christus feiern wir mit ihnen zusammen. Et, et ça c'est le système de ce monde, en Jésus-Christ, on doit encourager nos enfants à être dans l'esprit et nous aussi, on doit les éduquer dans l'esprit. Donc, ceux qui nous rendent fiers, donc les choses pour lesquelles on les félicite ou quoi que ce soit, ce sont des choses de l'esprit et pas de la chair. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. We're proud of choosing Christ. Sei stolz auf Christus gewählt zu haben. Amen. Sois fier d'avoir choisi Jésus-Christ. We stop here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you have any question or anything to say, John, we'll quickly